Et voici l'heure de casse sur table. On est là pour dire du mal. Entre deux bouchées de chocolat, on va vous parler de manga. Bienvenue dans casse sur table. Nous c'est la team digression. Surtout pour parler de Macron. Dans l'histoire du podcast, on est vraiment pas les cracks. Vu qu'il semble que vous aimiez, on va réenregistrer. Écoutez nos voix de miel, désolé pour vos oreilles. Bienvenue dans casse sur table. Il s'amène les coraux, Nécro brille quand il fait beau. Alex aime les sévices, Chris déteste le fanservice. Bienvenue dans casse sur table. Des fois on est agressif, juste envers les oppressifs. C'est pas notre tasse de thé de se moquer des minorités. Si ton genre d'humour, c'est d'écouter les mecs lourds, tu peux te lever, te barrer, tu vas pas nous manquer. Car ici, c'est casse sur table. Avouez qu'on est adorable. Merci de nous écouter et aussi de partager. Venez nous lécher les bottes, qu'on sorte enfin notre grotte pour mater des culottes. Suivez la team digression, vous serez trop bon. Bonjour et bienvenue pour votre nouveau numéro de Casse sur Table, et désolé pour ce magnifique générique que vous venez d'entendre, vos oreilles saignent, ce n'est pas de notre faute. Non, bah surtout pas de la mienne, hein. Moi j'avais voté contre. Ah oui, c'est clairement notre faute. Hein. Assume. Autour de la table des nouveautés, je suis avec Nécro. Salut. Alex. Hello. Issam. Ouais. Comment allez-vous, messieurs? D'accord. Par ce temps pluvieux et orageux. J'aime bien quand ça va. Ça va très bien, ça rafraîchit. Oui, bah oui, ça rafraîchit, effectivement. Ouais, bah mon pantalon a changé de couleur, ça va. Voilà, c'est ça. C'est pas la pluie, ça. Et une blague sur le caca. On aime bien, c'est bien. Ça fait 30 secondes qu'on a commencé, on en est déjà là. Et après, ça critique les vidéos. Bon, alors, le caca, Dieu. C'est bon. Le prochain, c'est les gars, il avait quand même raison dans sa dernière vidéo, Norman. Hein. Oh putain. Mon Dieu. Il reste plus que les nazis et quoi. Oh, moi je vais remplacer l'autre des, la femme, je vais remplacer l'autre des vidéastes. Ça sera pour la prochaine vidéo, ça. Ça sera pour la prochaine vidéo. Messieurs, comme d'habitude, un petit tour de table pour connaître votre actualité du moment. On va commencer par Alex. Eh, je t'ai pris de court. Hein. Pourquoi moi? Parce que toi. Eh bien, en ce moment, je lis Jabberwocky et c'est de la bombe. Est-ce que c'est vraiment de l'actualité hors manga, ça? Non, parce que c'est du manga et je vais en parler quand même. D'accord, okay. Hors manga, hier soir, j'ai regardé Get Out. Oui, Get Out. Un peu en retard, mais... Qui est très très bien. Ouais, vraiment très très bien, ouais. Je m'attendais à un truc vachement compliqué, et puis au final... Non, c'est super fluide. C'est super fluide. Au final, le twist est assez simple, mais hyper efficace. Ouais. Il y a d'autres personnes qui l'ont vu autour de la table? J'ai pas vu. Pas encore. C'est très très bien, Get Out. Et l'acteur principal, voilà, dont je ne connais pas le nom, est juste excellent, quoi. Qui est également dans Black Panther. Ouais. Qui a un petit rôle dans Black Panther. Mm-hmm. Nécro. Bah, moi, en ce moment, je joue à The Elder Scrolls Online. Je découvre Tamriel en version MMO, et je trouve que c'est pour l'instant le MMO le mieux géré que j'ai touché. Je suis pas payé pour le dire, de toute façon on n'est pas payé. Tout à fait. Et non, mais je passe un bon moment là. Donc quoi, ouais, Bethesda quand ils veulent, oui, ils font des trucs. J'avais testé à la sortie mais j'ai pas retouché depuis. Alors, en plus, je suis allé dans la ville en baladant, je suis allé à Varenfell. Donc aller voir le début de Morrowind. Et j'ai trouvé la ville, très vite j'ai trouvé la ville justement du départ de Morrowind. Et ça m'a fait plaisir de la voir en HD, de me dire « Ah elle est là! Cette maison-là je la connais et tout !» Ça, c'est... Par contre je me dis, vu que c'est la deuxième ère et que ça se passe beaucoup plus tard Morrowind, je me dis peut-être que les maisons elles étaient pas là normalement. Enfin bon, on va pas commencer à... Hein. Mais c'est le fanservice est présent et il est fait de façon cool. Issam. Il faut que je lise Jabberwocky, je crois que mon libraire était censé me les commander. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Putain, qu'est-ce qu'il fait ce con? Va à la FNAC, ils sont plus rapides. Quoi? Bonjour. Elle passe par Amazon pour la livraison. Non, sinon, vous allez tous sortir d'ici rapidement. Hein. Sinon, bah, j'ai découvert un film cool, alors qu'il fait moins parler de lui quand même que Get Out. C'est Seul sur une plage la nuit de... Seul sur la plage la nuit, pardon, de Hong Sang-soo. Alors là, j'avais pas entendu parler. C'est encore des chinoiseries. C'est le nom de sa sextape. Non, c'est un film coréen. Et alors, c'est le premier film de Hong Sang-soo, je vois, et apparemment, tous ses films ont tendance à être pas mal liés au niveau thématique. Donc, faut en voir plusieurs pour se faire une idée de son œuvre, semble-t-il, d'après ce qu'on en dit. Mais c'est une sorte d'errance sur le sentiment amoureux, et surtout sur le sentiment amoureux post-rupture. C'est super bien fait, c'est filmé en plan ultra long, il doit y avoir des plans qui font 10 minutes dans le tas. L'actrice principale, Kim Min-hee, elle est juste géniale, elle est magnifique, elle joue super bien. Et puis il y a une sorte d'arrivée du fantastique et du songe qui est super bien géré, pareil, qui est très banalisé. Bref, je recommande vraiment. C'est, pour le coup, dans le cinéma d'auteur et le cinéma un peu indé coréen, c'est des trucs qu'on voit pas souvent et qui font vraiment du bien. Monsieur l'archiviste, ça fait voir une autre face de ce cinéma-là. Voilà. Voilà, archiviste du cinéma sur YouTube. 56, je valide. On dirait Arthur quand il nous parle de ses livres du Lézard Noir, là. Alors, Arthur qui nous parle de, des trucs dont il est fan, mais c'est un chef-d'œuvre, ça, il faut le dire, c'est un chef-d'œuvre. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Alors, pas de prénom, c'est un chef-d'œuvre. Pas de prénom, messieurs. Par contre, il va avoir de la petite cut du coup. Ouais, tu cut. Ouais. Tu mettras une voix robotique. Mais c'est ça. On passe par la patate masquée. C'est ça. Attends, parce qu'entre temps il a changé, il était patate souilleuse, après il est quoi maintenant? Non, on va pas faire tous les noms qu'il a eu, hein, parce que sinon on y est encore jusqu'à demain. Hein. Non, je crois qu'il est retourné patate pasquée. La patate mini. Et si nous attaquions le programme et de toi, ce. Non. Ah oui. Est-ce que tu as une vie? Alors, figure-toi, mon très cher ami, que oui. Ah ouais. Effectivement, j'ai une vie. J'ai fini God of War, c'était très bien, ça manquait un petit peu d'épique. Comparé aux autres épisodes, mais c'était plutôt cool. Il meurt à la fin? Non. Et ce week-end, c'est l'E3. Et donc, ça va être full conférence de ouf merde. Avec des gros paquets de chips devant. E3, d'où ils sont. Pourquoi je critique tout le temps? C'est l'E3. Et ils mettent un week-end pour t'annoncer deux jeux dont tu savais qu'ils allaient sortir. Bah non, est-ce que tu savais pas pour 19, le Command & Conquer version portable, qui est très moche. Je ne sais pas, mais j'avais pas envie de savoir. La Unravel 2 qui a été annoncé hier et qui est sorti dans la foulée de l'annonce. Ouais. On le savait qu'il allait sortir, non? Bah non. Si, il a été annoncé il y a 2 ans. Ouais, moi je le savais déjà. Et d'accord. Kingdom Hearts, hein? Bon bah il a annoncé depuis plein d'années. Et FIFA, moi je savais pas qu'ils allaient sortir. Oui, c'est vrai que c'est inhabituel. Hop, qu'ils sortent un FIFA cette année. Chaque... Ça fait combien de temps qu'ils sortent un FIFA? Je le savais pas. Et est-ce qu'ils NFL, sortent... je savais pas. Est-ce qu'ils vont sortir un Call of? Touquet, je savais pas. Mon dieu, cette équipe est complètement folle. Bon, et si on se mettait dans le programme de cette émission, messieurs? Oui. Putain, vraiment. Ouais. Une équipe très dynamique aujourd'hui, n'est-ce pas? On va commencer. Ah, moi, j'ai dormi 3 heures, hein, donc. Cascade. Vous avez pas vu, mais c'est spectaculaire. N'est-ce il a fait pas un backflip. J'ai fait un backflip pour rouler. J'ai fait un salto pour ramasser mon stylo. Nous allons commencer avec un titre que nous avons tous lu. Un titre édité par Casterman avec leur nouvelle collection de comics qui s'appelle. Est-ce que tu peux me dire ça, Alex, s'il te plaît? En bas. Comment? Paperback. La collection. Voilà, la collection paperback. Et nous allons vous parler de Mech Academy que nous avons tous lu autour de la table, messieurs. Qui veut nous faire un petit pitch de Mech Academy? Alors, je viens juste à préciser que c'est des couvertures solides, la collection paperback. Oui, c'est du dur, ouais. Bah oui. Non, mais paperback, oui. Normalement, voilà. T'as compris? Mais ça me paraît justifié de le signaler. Oui, non, c'est juste que je m'attendais pas. Il était pas prêt. Pour ça, je cutterai, t'inquiète. Oui, c'est du dur. Qui nous fait un petit résumé? Bon, ouais, je vais le faire. Quoi. Alors, au scénario, on a Greg Pak qui est un habitué de tous les gros SI Marvel. Et DC, il en a fait ou pas? Ça, je sais pas. Je crois pas, non. Non, il a fait surtout du Marvel, voilà, mainstream. Il a fait du Hulk. Et à l'illustration, on a Takeshi Miyazawa, qu'on a surtout vu sur Miss Marvel récemment, ouais. Côté Marvel. C'est très beau ce qu'il fait. Ouais. Un petit trait assez fluide. Alors qu'une voiture avec son autoradio à fond passe. Bien détaillé, voilà. Bien léché. Et l'histoire en fait est assez simple, on est dans dans un monde où les... Ça me fait toujours peur non, quand tu fait, me dis ça que... Va le... pas le faire, non. Ça me fait toujours peur quand tu me dis que c'est assez simple. Ouais. Alors, en gros... Explique-toi. Alors en fait il y a des enfants... En gros, il y a des... Il y a des gros robots qui tombent... En gros, il y a des... Non mais t'es dit où? En gros, vous avez vu Pacific Rim? Bah voilà. On va la faire sérieusement. En gros, il y a des gros mécas extraterrestres qui débarquent sur Terre... qui sont dirigés par des enfants qui sont formés à la Mech Academy, et ces gros mechas vont nous aider à péter la gueule à des kaijus extraterrestres. Voilà, c'est pourtant simple. Oui, parce qu'en fait, c'est des robots qui sont envoyés de manière périodique sur Terre pour aller combattre. J'ai eu trois par an, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Mmh. Au début, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais redire ce qu'il avait dit. Ce sont les mécas qui choisissent leur, la personne qui va les diriger. Les pilotes, ouais. Alors, sachant qu'on leur laisse un choix très limité, c'est-à-dire que normalement, ils arrivent, on leur propose trois gamins, et puis ils les prennent par défaut en disant « Bah ouais, moi je prends celui-là, toi tu prends celui-là, bah moi je prends celui qui reste. » Ouais. Là, il y en a un qui s'est écrasé en route, qui se relève. Ça va bien, il a juste un ion. Et bah, du coup, bah, il choisit autrement. Et c'est là, c'est là tout l'intérêt du truc. Puis après, il y a du gros combat. Avec des gros qui jouent. Ouais. Ça pète la gueule. Non, mais c'est vraiment sympa. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme on est aux USA, bah, l'armée, c'est les meilleurs, c'est les plus machins. Du coup, ils veulent un peu contourner la tradition, on va dire. Bah, rien. Ce qui va donner l'apparition du quatrième méca qu'on voit sur la couverture. En créant leur propre méca, ouais. En créant leur propre méca. Donc ça va être un peu la trame de ce premier arc de Mech Academy. Alors c'est un thème qui est assez récurrent en ce moment, le truc de faire plus, d'utiliser la science pour faire des trucs encore plus puissants, plus forts, plus machins, plus spectaculaires. C'est un thème qui est récurrent sous différentes formes depuis longtemps quand même. Ouais, mais en ce moment ça revient, bah, tu sais, notamment par exemple avec les trucs genre Jurassic World, que ça fait deux fois qu'ils nous font le coup, ou des trucs comme ça. Bah, si tu vas par là, déjà Jurassic Park, c'était ça l'idée. Ah ouais, mais... Je prends le premier Jurassic World, qui n'est pas super exceptionnel. L'idée, c'était de faire une grosse bestiole encore plus impressionnante, de façon à faire venir plus de public qui commençait à se lasser des dinosaures. Déjà, dans le 3, ils le font. Oui, c'est ça qui veut dire. Dans le premier Jurassic Park, il n'y a pas de création. Mm. C'est juste on clone des dinosaures qui ont existé. Oui. Alors que dans World, on crée des nouveaux dinosaures. Ouais. C'est quand même une grosse différence, quoi. Bon, ils ont créé un qu'ils ne peuvent pas gérer, parce que... parce qu'ils sont cons, parce que c'est un film de merde. Mais... Bah, ils sont d'autant plus cons que, déjà, les dinosaures normaux, ils n'arrivaient pas à la gérer, alors... Oui, voilà, en plus. Et qu'est-ce qui est pas con dans les suites de Jurassic Park, hein? Qu'est-ce qui est pas con dans Jurassic Park? Oh là là! Oh, voilà! Oula! Oh, alors qu'Alex est en train de s'étouffer. Ça va? Le crocodile, quoi. le crocodile bonbon, nous précisons. J'ai failli crever, quoi. On reste dans le reptile, hein. C'est... Pardon. Non, mais pour revenir sur Mech Academy, c'est très sympa, ça va vite, graphiquement c'est cool, ouais, c'est très dynamique. Ouais. Il y a un vrai esprit Pacific Rim qui rencontrerait du Harry Potter. Ouais. C'est vraiment chouette. Alors par contre, à côté de ça, il y a un truc qui me trouble à chaque fois, c'est la couleur du méca principal. C'est les couleurs de Megaman, donc j'arrive pas à me le refaire de... Oh, ça m'étonnerait pas que ce soit un hommage. Ah, c'est sans doute un hommage. Même la forme du casque, il y a un petit truc. Ah oui, mais voilà, pour moi c'est clairement Megaman. Et puis le gamin, c'est Sacha. Ouais. Ah bah oui, il a la même casquette. C'est à la limite, ce qui est peut-être un peu dérangeant, mais c'est vraiment pinaillé, c'est qu'il y a quand même un côté très, très va-t-en-guerre, très américain. Très américain, faut qu'il y ait. Oui, c'est ça. À côté de même le héros principal, c'est une minorité. C'est ça. Une minorité qui va s'intégrer. C'est hyper cliché, quoi. C'est l'immigré qui a sauvé le petit gamin qui tombait du balcon, quoi. C'est ça. Ça va être un peu ça, genre, le délire. À noter qu'à la fin, on a une espèce d'épisode pilote de ce qu'aurait pu être la série à la base. Ouais. Bon, pas très différent, hein, l'épisode pilote par rapport. Surtout dans le design des robots, en fait. Ouais. Est très très différent parce que là les robots font plus inspiration Jap, vraiment inspiration japonaise dans l'épisode de fin, alors que là c'est un design très américain justement ce qu'ils ont. Mais ce qui est intéressant là, tu disais c'est un côté va-t-en-guerre, mais en même temps faire des combats de robots pilotés par des humains contre des kaijus, c'est difficile de pas à un moment faire un côté un peu épique va-t-en-guerre ou un truc comme ça, parce que c'est voilà, c'est-à-dire que même Pacific Rim, il y a des moments où... Alors, plutôt que Vatanguerre, effectivement, disons, un peu nationaliste. Oui, voilà, c'est ça. Dans Pacific Rim, dès le début, c'est introduit que c'est international. Oui. Tandis que là, non, oui, c'est américano-américain, quoi. Puis en plus, tu t'attaches aux équipes russes, tu t'attaches aux équipes... tu dis, ah, bah c'est cool. Là, je crois que c'est comme ça que je l'avais résumé à Chris après l'avoir lu, c'est Pacific Rim réalisé par Clint Eastwood, quoi. Ouais, ça passe. C'est valide. Et très bien dessiné. Oui, très coloré. Donc voilà, c'est très très chouette. Mm. C'est une série qui est toujours en cours, aux US. Va se terminer. Elle va se terminer, là. Donc il y aura combien de tomes? Il y en aura 3. Tous en cœur. Bah, à la base, la série devait compter que 4 4 issues. Bah ça c'est énorme, c'est la tradition de Image quoi, c'est tu fais une mini, si ça marche bien on te fait la suite. Alors c'est pas Image, hein, c'est Boom par contre. Ah oui, Boom pardon, enfin c'est un peu tous la même politique. Quoi. Mais oui, à la base ça devait être une vraie mini-série, ça a été renouvelé en série, ouais à mon avis ça sera... Même le deuxième arc, c'était normalement se terminer, au final ils ont fait encore un troisième et là... Ouais, ça sera en 3 tomes quoi. Oui c'est 3 tomes, c'est sûr. T'as tout lu toi? Bah pour le moment oui. Il les lit en VO. C'est bien, ça continue à rester bien. Ouais, enfin ça casse, enfin ça devient pas épique à son summum, mais ouais c'est cool. Et bien voilà. Voilà. Nous en avons donc fini avec Mech Academy. Nous allons passer au second titre proposé par la Casterman pour sa collection Paperback. Autant des reptiles. Bon je veux bien. Bah oui. J'ai pas lu. Issam, parle-nous-en. Alors, Autant des reptiles, écrit et dessiné par Ricardo Delgado, c'est l'histoire d'un dinosaure. Et c'est un peu difficile à résumer parce que ça cherche pas du tout à humaniser le dinosaure, que ce soit dans... En précision, ça se passe vraiment au temps des reptiles. Oui. Parce que c'est l'histoire d'un dinosaure, mais ça se passe vraiment à leur époque. Oui. Ça se passe au Jurassique. C'est le titre ou pas. Voilà, oui. Non. C'est pas évident dit comme ça. Bah si, vu que c'est le titre. Bah non, c'est pas évident dit comme ça. Oui, oui. Donc effectivement, ça se passe au temps des reptiles. Et c'est l'histoire d'un dinosaure qu'on suit au travers d'une certaine période de sa vie. C'est pas un reptile. C'est l'histoire d'un reptile. Il vit à son temps. Donc on le voit se déplacer, se nourrir, trouver une femelle, et donc enfanté. C'est une tranche de vie, quoi. Voilà, c'est une tranche de vie, mais avec des dinosaures. Il n'y a pas une narration au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire au sens où il y aurait vraiment des rebondissements ou des trucs comme ça. C'est vraiment presque... C'est de la BD sans texte. Comme un documentaire. Et voilà, il n'y a aucun texte. Il n'y a pas de fil rouge. C'est juste, on suit la vie de ce dinosaure. Ce qu'il voit, des fois, voilà. Il y a plusieurs planches sur ce qu'il observe quand il regarde d'autres dinosaures. Se battre ou fuir. Et c'est voilà. Très très beau. C'est magnifique et c'est passionnant en dépit de ces choix de narration assez osés finalement. Oui, de cette absence totale de texte et de narration verbale. On va en parler. Oui. Bah, on sent que c'est quand même un travail de passion. À la fin, l'auteur a laissé un gros mot où il explique. Enculé gros... Voilà, j'étais sûr quand j'ai dit ça. Écrit en gros sur la page. Il a écrit une belle page où il explique toute sa documentation, son sentiment et tout, et on sent que le mec il kiffe ça quoi. Les dinosaures. Et quand tu le lis, ouais, il aime bien les dinos. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est suicidé après avoir vu Jurassic World? Je pense qu'il l'a même pas vu. Hein. C'est rigolo, il parle de Kurosawa à un moment dans sa. Bah au début. Dans sa conclusion. Dans son avant-propos. Il parle de quoi de Kurosawa. Ah oui. Non, je crois que c'est au début de la conclusion. Ah d'accord. D'accord. Oui, parce qu'il parle des films, je crois. Oui, ouais. Il parle de ses différentes inspirations. En même temps, je pense que c'est ça qui m'a vraiment le plus touché, ouais. C'est que tu sens que l'auteur il est vraiment passionné. Quoi. C'est en un seul volume, on l'a pas indiqué, ouais, hein, c'est en un seul tome. Assez court, ça se lit vite du coup. Kurosawa, c'est en même temps quelqu'un qui était capable, en un plan fixe avec trois personnages et très peu de détails, de te fixer une scène, une situation très vite. Mmh. Ouais, mais paradoxalement, il y avait peu de dinosaures chez Kurosawa. Par exemple, dans les 7 samouraïs. Hein. Tu vois, par exemple, cette page-là fait très estampe. Oui, ouais. Cette page-là, et il y a vraiment des pages qui sont vraiment magnifiques, quoi. C'est très très beau. C'est trop trop beau. Oui. Oui. Oui. Oui. Ah, il s'entraîne la voix, là. on va faire un concert plus tard de ce que vous avez entendu. Même sur les couleurs, je trouve qu'il y a un super travail. Les passages de nuit, j'aime bien. Parce qu'il y a un vrai travail sur les couleurs, ouais, pour faire ressortir les petits monstres. Petit dinosaure. Alors, il n'y a vraiment aucun texte au sens où il n'y a même pas d'onomatopée dedans. Oui, oui, le son, le bruit non plus n'est pas représenté. Puis ça fourmille de détails, c'est trop bien. Mais justement, vu que ça fourmille de détails, bah, malgré l'absence de narration, ça se lit pas forcément en 10 secondes, quoi. Ouais, c'est en parce qu'on reste, on prend le temps d'admirer les pages, d'admirer le dessin, voilà. Bah, et puis même de comprendre les pages, pour le coup. Aussi. Enfin, la mise en page est très classique. Oui, c'est très quadrillé. Mais il y a des cases, on cherche à comprendre ce qui se passe, vraiment. Je pense que c'est le genre d'œuvre que tu prends du plaisir à relire, même deux jours après, trois jours après. Bon, même... Par contre, une semaine après, c'est foutu. Hein. Non, semaine après, c'est trop. Mais pas forcément à relire, juste à refeuilleter certains passages. Oui, enfin là, en l'occurrence, oui, tu lis pas, mais... Bon, par contre, adapté en film ou en série animée, ça risque d'être délicat. C'est le bouquin que tu parcours comme en film normalement, d'une traite, une première fois, et puis après, c'est comme un book. C'est pas une voix, pas un truc. Ouais, bah juste de la musique, ça peut être sympa. Ouais. Est-ce que le public maintenant serait prêt à regarder quelque chose comme ça? Pixar a bien réussi pendant. À lire un truc comme ça. Pixar a bien réussi pendant la première heure de Wall-E. Je vois pas pourquoi ça poserait problème. Il y a quand même des dialogues dedans. Bah pas pendant toute la première partie. Ah, pas la première partie. Plus les gens ils regardent n'importe quoi. Ouais, il faudrait que ce soit Pixar qui le fasse. The Artist, ça a pas dérangé les gens. Non. Si. Ah, moi. Si. Non, mais ça a pas dérangé les gens, allez le voir. Ah, oh, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. J'ai artiste, il y a du texte. Oui, parce que c'est fait à l'ancienne. Oui. Mais c'est quand même muet, quoi. Oui, certes, mais il y a du texte. Mmh. Il n'y a pas de texte, là. Bon. Bon, d'accord, il y a la couverture et puis il y a enculé. Il y a enculé. Pika, enculé. La vache. Issam, tu peux pas t'en empêcher. Jamais. Bon, autant des reptiles, c'est très très bien. On va enchaîner avec un autre titre qui parle aussi de dinosaures, qui est étrangement beaucoup moins bien. C'est édité par Soleil Manga chez nous. Ça s'appelle Dino Sapiens. Et vu que Necro l'a pris en main, ça veut dire qu'il va nous faire un petit résumé aux petits oignons. C'est son coup de cœur. Alors, c'est l'histoire d'un gros navet avec des gamins qui se retrouvent dans un monde où il y a des dinosaures qui sont là. Voilà. Et puis à un moment, il y en a un, il fait une prise, un raptor. Il fait un suplex. Parce que le raptor était un peu dissident. Oh là là! Il fait comment vous vouliez que je m'en empêche? Ah oui. Il fait un German suplex à un raptor. Ouais, et qui s'essuie la bouche. Le raptor s'essuie la bouche avec du PQ. Et à la fin, sur cette page-là. Et à la fin, il y a un cliffhanger de fou. Et là, tu sens que ça va être un crossover de plusieurs styles. Ah, c'est le moment où le raptor annonce sa vidéo sur Soran, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est vrai que toute l'histoire part de base d'un raptor qui était juste au chiottes dans le train. Ouais. Qui était en première classe en plus, donc le peuple qui était en deuxième classe, on s'en fout quoi. Bah, c'est ça. Non mais. Et le PQ lui échappe des pattes et voilà, et on vient le faire chier quoi. Non mais pour moi, c'est ça. C'est qu'à le dire d'ailleurs. C'est qu'il est en première classe alors qu'il a pas payé son billet. Mais ça, il faut pas le dire ça. Alors par contre, il a mangé sans payer. Ça, normalement, quand tu consommes dans un train, ça coûte cher. Et, enfin, là, il sort du wagon restaurant, il en a plein la bouche. Enfin, c'est dégueulasse. Alors, est-ce qu'on peut revenir vraiment sur l'œuvre en elle-même et dire que c'est affreusement moche? C'est très moche. C'est les. Enfin, les dinos sont moches. Hein, tout est moche, tout est moche. Non, le reste est banal. Le reste est banal. Les dinos font tellement. Les gamins, je dirais pas moche, je dirais banal. Ouais. Alors, moi, j'aime pas le style. C'est-à-dire que t'as vraiment deux styles complètement différents. Les personnages sont d'une stupidité affligeante. Complètement. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même le personnage principal qui confond des mouettes et des corbeaux, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit suivre? Et surtout, incohérent aussi. Parce qu'on a c'est quand même des gamins qui ont des comportements d'adultes. C'est des gamins qui savent conduire une Jeep, qui savent manier une Jeep. Ils ont l'air tour à tour beaucoup plus jeunes et beaucoup plus vieux que leur âge réel. Moi, j'ai pas réussi à déterminer quel âge ils sont censés avoir, en fait. C'est un des trucs qui m'a le plus dérangé, paradoxalement. Bah ouais, je me suis dit qu'ils avaient 14 ans et je suis resté sur cette base-là tout le long. Il y a des moments, ils font beaucoup plus jeunes que 14 ans. Ouais. Puis il y a des moments, ils font plus vieux aussi. Ne serait-ce que le mec dont le rêve, c'est de vivre dans un monde rempli de dinosaures, c'est pas un rêve de gamin de 14 ans, ça. C'est un rêve de gamin de 8-10 ans. Mmh. Ah, ça dépend. Ou de con. Chacun a le droit d'avoir son rêve. Ça dépend ce que les parents buvaient avant la naissance. Hein. Alors, le personnage féminin, son rêve, c'est de devenir une bonne femme au foyer. Voilà. Bah, il en faut. Hein. Tu veux dire comme Harley Quinn dans le film Ce film n'existe pas. Si c'est son choix. Mais alors, pour le coup, limite, je le recommande aux amateurs de nanars, parce que c'est un vrai nanar, pour le coup, c'est très drôle, je trouve. Enfin, c'est quand même 7,99€, hein. Si, ça coûte cher, le nanar, c'est 3 tomes, hein. Attendez de le trouver attendez chez Lowe's. Attendez qu'il soit en e-back à 1€. Ça. Ah, mais ça va se retrouver chez Cash Converter, hein, c'est sûr. Donc, oui. Il y est peut-être déjà, hein, d'ailleurs. Oui. La série est en 3 tomes ou en 4, je sais plus, mais la série est terminée au Japon, donc ça sent en plus le truc ultra bâclé, quoi. Oui, parce que à la fin du tome 1, ils introduisent un gros rebondissement quand même. C'est ça. Dont on a du mal à voir comment ils vont s'en dépatouiller en trois tomes. En fait, à la fin, on va apprendre que c'est juste l'autre qui s'est endormi pendant son cours et il a fait un rêve. Ça m'étonnerait même pas. Celui qui confond les mouettes avec des, je sais pas quoi. Là. Bah celui qui veut vivre dans un monde de dinosaures. Voilà. Ce qui expliquerait tout. Kirk, ça me rappelle un même internet qui est en ce moment le fameux Isvi ce pigeon. Ah oui. Comment ça me gonflait ce même d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui ne te gonfle pas? Non mais ça... aujourd'hui il est pas drôle ce même. Aujourd'hui Sam tu es très. Bah, surtout quand t'as le contexte. Pas particulièrement aujourd'hui. Quand t'as le contexte tu comprends qu'en fait le doublage est tout à fait lié à ce qui se passait dans le truc donc en plus c'est même pas. Parce que ça avait été mis en avant cette image-là pour les mauvais doublages faits dans les animés, oui. Ça correspondait à rien. Bon, comme alors... vous l'aurez compris, Dino Sapiens, on vous le recommande pas. Ouais. Sauf pour rigoler. Vous pouvez encore. Bah, lisez-le à la Fnac, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est. Mais pas chez moi, à la Fnac. La fiction opposant les humains aux dinosaures peut commencer. Et là, tu dis. Bah, elle va terminer vite, surtout. C'est bête parce que le seul rebondissement qui aurait pu être intéressant et un peu original dedans, en fait, ils reviennent dessus en fin de tome. Oui, oui, donc, oui. Ouais, je vois de quoi tu veux parler. Ça aurait été un peu osé d'avoir fait ça. J'y ai cru. Moi j'ai aussi. Cru, puis à ce coup, je suis tombé sur les arrière-pages, j'ai fait mais non. Mais j'adore ce passage épique où un personnage court pour mettre un coup de poing à un tyrannosaure. C'est quand même assez incroyable, quoi. Et la profondeur des dialogues dans toute cette partie-là. Oh bah notamment des dialogues dans attends, j'ai un dialogue à citer parce que là il y en a un qui m'a vraiment marqué. Moi j'ai entendu dire que les auteurs d'Ettrick étaient dégoûtés parce qu'ils avaient eu la même idée. C'est vrai? Ouais. Non. Avec un dinosaure qui fait des fautes d'orthographe quand il parle. Je vais faire un match de foot contre une équipe de dinos. Et... C'est vrai? Ouais. C'est alors le personnage, qui sont ces gens le personnage principal pour vous donner une idée du caractère au-delà du fait qu'il veut vivre dans un monde de dinosaures et qu'il en a rien à foutre de ses camarades. Il voit passer une contrôleuse dans le train, il essaie de lui mettre une main au cul, c'est son premier réflexe. Une contrôleuse holographique, je crois. Oui, qui se trouve être un hologramme. Ah, parce qu'ils vivent dans un monde de technologie de ouf, quoi. Ça, pareil, c'est pas très cohérent. Ouais, tu sais pas d'où ça sort, quoi. Bah, et puis surtout, c'est pas tenu tout du long, parce qu'à côté de ça, la Jeep, elle a l'air. Ouais, voilà, c'est ça, pas mal, quoi. Carrément. Je suis un plus, on sait d'où ils viennent les dinos dans ce truc-là. Non, du pas. Tout. Pas à ce stade-là. Oui, parce que le T-Rex, je veux dire, ça, c'est pas un truc qui pop d'un coup. Je veux dire, c'est bah, faut croire aussi. Enfin, à la fin, tu peux t'en douter d'où ils viennent, mais. C'est. D'ailleurs, le T-Rex est sacrément grand. Moi, j'ai un souvenir des chiottes des trains comme étant des trucs très exigus, quand même. Ouais, non, c'est pas un T-Rex, je pense pas que c'est un vélociraptor. Ouais, mais bon. Je pense pas qu'ils sortent tous des chiottes. Faire entrer un vélociraptor dans les chiottes d'un train, mec. Par contre, c'est le brachiosaure qui est vraiment très très grand. Ouais. Le long cou. Mais il a peut-être fait comme Cell, tu sais, dans Dragon Ball. Cell, il s'était remis en forme d'œuf, et puis après, il était revenu sous sa forme adulte. Alors, si ce n'est pas dans la diégèse du manga, non, ça ne peut pas. Alors, sinon, voilà, le dialogue que je voulais, c'était « Lâche mon ami, sinon je t'envoie en enfer ». Dit un gamin qui a déjà envoyé la grenade dans la gueule de la bestiole. Ah oui. De toute façon, même s'il lâche et qu'il s'excuse, il est mort. Bip. Tiens ici que je te bute, enculé. C'est exactement la même. C'est comme si justement la scène avec Philippe, là, ça s'était passé après qu'il se soit pris une balle dans la tête. Oh mais ils se sont déjà tirés dessus au moment de la scène. Hein. Oui, mais tiens ici que je te bute, enculé, c'était déjà le calate de Philippe qui est recouvert de mouches, quoi, tu vois. C'est... Et moi, je voudrais finir avec cette réflexion bien sexiste. Il faut être honnête et endurant pour communiquer avec une fille. Voilà, bonjour, au revoir, allez hop, poubelle. Merci de nous apprendre des bonnes choses, manga de merde. Ouais. Bon, on a terminé avec Dino Sapiens. Mais soyons honnêtes, on va avoir pire hein, niveau sexisme aujourd'hui. Ah bah. Moi, je pense à ces gens qui attendent encore que le train arrive, là, dans le manga. Et... bah... Et on va encore taper sur la SNCF. Bah la SNCF là, ça me dégoûte. Et pendant ce temps-là, à Veracruz. Bah alors, il arrive le temps. Ça me dégoûte. Bon, on va retourner dans les comics, on va continuer à parler reptiles, on va continuer à parler mutations, puisque nous allons parler des Tortues Ninja. Le retour des Tortues Ninja en France. On va parler en premier du tome 1, donc de la série principale, et c'est Issam et moi qui allons en parler, vu qu'on est les deux seuls autour de cette table, à l'avoir lu. Issam, est-ce que tu pourrais ranger Dino Sapiens, s'il te plaît? Non, je voudrais juste citer une autre réplique du personnage principal. Je voudrais devenir une bonne épouse et fonder un foyer chaleureux. Je ferai de bons petits plats et vivrai heureuse avec mon mari et mes enfants. Voilà les filles, voilà votre ambition dans la vie. Ah, d'après Dino Sapiens. C'est un Disney en fait. Ah non. Putain. C'est un Disney en fait. Oh la vache. Un vieux Disney pour soi. Même Disney, ils sont en train d'évoluer. Ah oui, oui. Donc oui, Tortue Ninja. Oui, c'est quand même mieux. Tortue Ninja. La série principale, c'est pas top. Hein. Si, c'est bien. C'est C'est juste toi qui n'as pas de goût, c'est tout. Bon, après, c'est moi qui ne suis pas très, très regardant quand il s'agit des Tortues Ninja, vu comment j'adore cette licence. Non, bah, je te laisse faire le résumé. C'est très simple, c'est des mecs d'une autre... d'une autre dimension, donc d'une autre planète, qui... Il y a leur planète qui est en guerre contre Krang, qui essaye de leur botter le cul. Et, par un hasard de circonstances, les tortues vont se retrouver téléportées sur cette planète et s'allier à eux pour les libérer du joug de Krang. Est-ce que ça te va comme résumé ? Oui. Et donc voilà, donc c'est un premier tome très bourrin, faut dire ce qui est. Avec, alors, le plus gros reproche que j'aurais, ça serait le dessin qui est, j'allais dire cartoon, mais cartoon moche. Bah cartoon ultra banal, ouais. Voilà, cartoon pas extraordinaire. Mais sinon, non, je trouve que les personnages fonctionnent bien, je trouve que les dialogues fonctionnent bien, que l'ambiance fonctionne bien. Bah justement, moi c'est à tout ça que j'ai pas adhéré. J'ai vraiment l'impression de voir un épisode... Et pas parmi les meilleurs du dessin animé. Mm-hmm. Et sur tout un tome, c'est trop long. Ça aurait duré un ou deux chapitres, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé ça très vide au final, celui-là. Le meilleur. Krang. Ah ouais. Alors c'est sur ça, moi, que je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que ça, on en a parlé en off. Où tu me disais que donc, ça faisait très enfantin, que ça faisait pas trop mature comme ce qui est censé être les comics. Sauf que je pense que t'as des souvenirs trop éloignés du dessin animé. Parce que là, on parle d'une planète qui est en train de subir un génocide. T'as pas ça dans le dessin animé. Ouais, mais c'est traité de manière super... Oui, mais rien super que... distante. Enfin, dans le dessin animé, c'est quand même... papa boum boum, on va manger de la barbe à papa, parce qu'on a battu les méchants, quoi. Bah, honnêtement, là, je trouve qu'au final, c'était l'ambiance qui ressortait. T'avais le côté génocide en fond, mais moi, je l'ai presque oublié, en fait, ce côté-là. Mmh. Tellement c'est traité de manière légère. Et il y a aussi le fait que quand scène d'action il y a, les tortues s'en prennent dans la gueule. Ouais. Mais tu les vois vraiment se prendre des coups. Légère. Ça porte. Pas toujours en fait. Oui, pas toujours en plus. C'est pas si enfantin que ça. Enfin, pas comme le dessin animé en tout cas. Après, c'est oui, pas aussi sombre que les premiers comics d'origine hein, forcément. Non, mais de toute façon, je suis pas fan des Tortues Ninja, donc je demande pas forcément à ce qu'il y ait soit aussi sombre que les trucs d'origine. Hein. Je demande pas. C'est juste que voilà, là j'ai trouvé ça. Trop gamin, trop Zef. Non mais t'inquiète, le prochain il sera fait par Snyder. Il pleure, il pleuvra, les tortues feront la gueule tout le temps. Ah, non mais déjà le prochain ce sera le même illustrateur que le one shot dont on va parler après sur le clan foot, donc déjà ce sera beaucoup plus joli. Il y aura ce illustrateur là, parce qu'il y en a d'autres après dans le prochain tome aussi. Mais par contre, parce que On va essayer d'expliquer les choses simplement. Soleil a déjà édité les trois premiers tomes en France. Du coup, là, e-comics, parce que c'est édité par e-comics, on l'a pas dit, nous sort directement le tome 4. Donc, du coup, il y a plein de personnes qui auront pas lu les trois tomes précédents. Personnellement, j'ai pas trouvé que ça gênait trop. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, ça allait. Il y a une ou deux références qui m'ont échappé, mais ça allait. Il y a quelques petites références à ce qui s'est passé avant, mais c'est pas plus perturbant que ça. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui, du coup, essayent de se procurer les tomes édités par Soleil. Mais il suffit d'attendre la fin d'année, un tome 0 sortira qui regroupera les trois premiers tomes édités par Soleil. D'accord, et ce sera édité. Ce sera édité par e-comics, voilà. Donc au moins, ils éditeront l'ancien travail. Et puis, ils éditeront aussi, surtout, les comics d'origine également en fin d'année. Et ça, j'ai tellement hâte. Bon, on va pas parler plus longtemps de la série principale, parce que clairement, c'est le moins bon des deux. On va directement passer au TNMT, le secret du clan foot, que là, on est trois à avoir lu autour de la table. Donc, Necro, Issam et moi-même. Ça a un rapport avec Hattrick, ça aussi. Alors, le clan foot, non. Ah. Necro. Foot, mec. Donc on a grosse bisbille entre les tortues et clan foot, encore une fois avec Shredder, et là y a vraiment toute l'histoire entremêlée où on retrouve toute l'origine dans la période féodale du clan foot. Et c'est là qu'on se rend compte que je pensais pas que ça que déjà à l'époque ils foutent la merde. Ouais, déjà ils foutent la merde, mais... Oh mon dieu. Oh, démerde-toi, tiens. T'as fini les soirées, ton truc sur mon. Hein? Oh! Bon, c'est pris la drache, au fait. Hein. J'aime bien ce bruit. Alors, la drache, c'est la pluie hein, pour les gens qui ne vivent pas dans cette région du monde. La drache. Bon, ils ont tous vu bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Et pain au chocolat, c'est chocolatine. On dit pain au chocolat chez nous. C'est un genre, on dit pain au chocolat. Mais après, ça, c'est un faux débat, vu que la majorité de la France dit pain au chocolat. Ouais, mais il y en a qui disent chocotine. Comment on est arrivé là? Ils savent pas parler. C'est bien, ça va faire un tweet storm derrière. On dit pas une raisintine. Hein? On dit pas une raisintine. Bon, bah voilà. Fin d'histoire. Une raisintine? Bah oui, pour les pains en raisin. Une résine. Ça se tient. Une résine. Une résine, s'il vous plaît. J'avoue que cet argument-là est imparable. Ouais. Mais il y a quand même des, je crois, des réponses à ça, hein, mais je les ai pas en tête. Alors, sinon, on est d'accord qu'il y a un gros côté Ra's al Ghul dans cette histoire-là. Ah, carrément. C'est, voilà. Mais en plein dedans, hein, je veux dire, le puits de Lazare, il y est complètement. C'est le puits de Lazare, l'espèce de mutagène qui lui file. Ouais. Donc oui, le bouquin a une double narration, parce qu'on suit la narration de l'époque avec... avec la montée en puissance d'Oroku Saki, le futur Shredder. Roku? Oui. Oroku Saki. Oroku. Et le temps présent avec justement Shredder qui essaye de récupérer des artefacts de cette époque-là. Alors c'est marrant parce qu'il y a un rythme très effréné au niveau des actions dans le temps présent, et puis d'un seul coup tu vas passer sur une scène super détente. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus posé dans les flashbacks. Ouais. Ouais. Bon, par contre, quand ça pète dans les flashbacks, ça pète bien, quoi. Et c'est très très beau. Ah, c'est beaucoup plus. C'est très beau. C'est beaucoup plus sombre et nature que l'autre. Oh, comme il est trop merveilleux. Ouais, et puis même le Shredder là. Mm. Donc pour le coup, Issam, celui-là, tu as. Celui-là, je l'ai vraiment bien aimé, ouais. C'est. Ouais, c'est cool. C'est l'univers est approfondi beaucoup plus que dans l'autre. On a l'impression de découvrir quelque chose de beaucoup plus riche. C'est très beau. Les personnages, pour le coup, je les trouve super bien traités. Alors qu'on voit pas tant que ça les tortues, finalement, vu qu'il y a énormément de flashbacks. Mais elles sont quand même très attachantes rapidement. Mais ça fait aussi très cool. Ça. Et ça fait aussi une bonne porte d'entrée pour commencer l'univers des tortues, même si on loupe quelques personnages. Bah, c'est vrai que c'est bien pour mettre le pied dans la porte. Oh putain. Tu sais pas trop, par exemple, tu sais pas trop qui est Karai, tu sais pas trop qui est. Merde, comment il s'appelle la renarde blanche, j'ai oublié son nom. Et du coup, ce récit là, il est à caser quelque part dans la continuité, ou c'est vraiment un truc à part? C'était en complément, quoi. C'était une mini-série en complément. C'est un complément, ouais. Alors par contre, un truc qui est intéressant, c'est le fait que le design des tortues soit un tout petit peu différent. Elles sont un peu différentes les unes des autres. Bah, physiquement. Bah, comme le comics d'origine, pour le coup, en fait. C'est pas du tout... Dans le comics d'origine, c'est pas des frères, en fait. C'est quatre tortues différentes. Ouais. En même temps, même mais des frères... De quoi? Bah, même des frères, c'est pas censé être strictement identique. Voilà. Oui. Ah, mais là, de ce que je veux dire, c'est que dans les comics d'origine, c'est même pas des tortues de la même espèce. Ah. Voilà. Mais sinon, ça reprend vachement le design, justement, des premières tortues. Au niveau de la forme générale du corps. Mais c'est cool. Moi, j'ai bien apprécié sa carapace. Voilà, et puis le côté reptilien des tortues est beaucoup plus mis en avant avec ce style de dessin qu'avec celui de la série principale. Le premier tome qu'on a parlé juste avant. Bah là, c'est plus proche du dessin animé. C'est ça, vu qu'il fait très cartoon. Mais c'est là, pour le coup, tu disais, oui, il y a des personnages, la renarde, Karai, on sait pas exactement qui c'est. Mais c'est pas dérangeant. Mais c'est pas dérangeant, et surtout, ça donne envie d'en apprendre plus sur elle. Clairement. Dans celui-là, dans l'autre, il y a des personnages, on sait pas exactement qui c'est. Mais je me disais, bof, je m'en fous. Mm. Ouais, celui-là, je suis pas fan du design non plus. Là. Bah, tu liras la suite, c'est pas grave. Mais je regardais, je feuilletais celui dont on parlait juste avant. Ouais. C'est Krang, ça? Bah, c'est un Krang. C'est un Krang, ouais. Oui. On sait pas si c'est le Krang qu'on connaît, mais c'en est un, quoi. Ok. Et là, c'est Ra's al Ghul. En plus, c'est vrai que c'est le liquide est vert et tout, comme vraiment non, comme le puits de Lazare. Il a le même. Voilà, ça a la même fonction. C'est. Bah, de toute façon, c'est DC qui a les droits pour les tortues. Non, non, c'est indépendant. C'est IDW, c'est indépendant. D'accord. Oui, donc le crossover qu'il y avait avec Batman, c'est vraiment un truc bien à part, quoi. Mais oui, ce tome-là est vraiment très cool. Je trouve que c'est une meilleure porte d'entrée que l'autre. Oui, parce que là, on apprend des origines. Ouais. Enfin, déjà, t'en apprends sur Shredder, t'en apprends sur Splinter, les tortues, même si on les voit pas énormément, mais elles sont quand même dans leur archétype habituel, quoi. Elles ont vraiment tout leur caractère à elles. C'est pas un copier-coller entre les quatre, quoi. Ouais, et puis comme on avait dans le vieux dessin animé à l'époque. Quelle que soit la série Tortue Ninja qu'on ait vue, quel que soit le côté aussi de qualité de la série Tortue Ninja qu'on ait vue, on n'est pas perdu non plus. Oui. Les quatre personnages principaux, on les a. L'origine de Shredder, bah Shredder, tu l'as à chaque fois. Enfin, et puis ça, c'est. Ça en parle à chaque fois. Et puis c'est action, aventure, il y a des petits passages. Il y a des petits passages plutôt rigolos aussi. Il y a ce passage où t'as Michelangelo qui comprend qu'il est capable de parler Jap, Oui, c'est drôle ça. Et quand il s'en rend compte, il fait « Oh, je vais pouvoir enfin lire plus de mangas maintenant !» Ça, c'est rigolo, quoi. Donc oui, il y a pas mal de petites touches d'humour qui fonctionnent très bien aussi. Donc pour le coup, oui, là, entre les deux, bah moi, je recommande les deux, mais forcément... Ouais. Tortue Ninja dans mon cœur, mais quitte à choisir clairement le clan foot priorité quoi. Et qu'on connaisse ou pas la licence, clairement. Mm. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Alex ? M'acheter les vieux comics. Quoi ? M'acheter les vieux comics. Aussi. Oui, qui vont être réédités. Donc. Voilà. C'est ça. Messieurs, et si nous passions... Aucun rapport, mais vous avez vu cette vidéo Epic Rap Battle of History entre les Tortues Ninja et les peintres correspondants. Oui. C'était drôle, ça. Mais tout Epic Rap of History... Tout Epic Rap est très bien, mais du coup, je pensais particulièrement à celle-là. Mais celle-là, elle est géniale. Ouais. Messieurs, il est temps de passer à un comics que nous sommes trois à voir. Alors, attends, qui c'est qui résume ? Parce que Alors là, le résumé... Déjà, c'est impossible de résumer. Alors moi, je veux bien résumer la discipline. Alors, je vais te le résumer, c'est de la merde. On parle de quoi, là ? On va parler de la discipline. La discipline ! Ah, j'ai pas lu, c'est bien. Lu par Issam, c'est la discipline. Alex et moi-même. C'était quoi ? C'est la discipline. On va avoir des emmerdes. Je vais t'éduquer. Non. On va couper, hein. Vas-y, Alex, fais-toi plaisir. Non, c'est non. Ça va. Bah moi, ça fond les moyens de vous faire parler. Non, mais on peut résumer ça rapidement, c'est nul. Ah bah oui, voilà. Bon, bah oui, fin. Voilà. Fin. Vous rappelez ce qu'on a dit sur Insecte ? Et bah voilà. Je vais essayer de résumer. C'est une femme qui est approchée par une sorte de groupe secte étrange, très lié à la sexualité, mais on comprend pas bien comment. Et qui cherche à développer les pouvoirs chez les gens pour sauver le monde de créatures. Mais en fait, j'ai pas compris plus que ça. Mais parce qu'au final, on sait jamais qui est vraiment le méchant ou le gentil. Ouais. Parce que parfois, la personne considérée comme méchante, on la fait passer pour une gentille. Et vice versa. Puis c'est complètement balayé à la fin comme sujet. C'est après on part dans des délires. Fin limite sur un coup de dé quoi. Part dans des délires avec l'Égypte ancienne, etc. Après. Est-ce que c'est qu'en un seul tome en plus hein. Visuellement c'est pas top. Non. Visuellement l'auteur a un style qui se rapprocherait un petit peu d'un Eduardo Risso mais en beaucoup beaucoup beaucoup moins bon. Bah on sent que ça tente des trucs mais que ça y arrive pas très bien. Ouais c'est ça tente quoi. Je comprends pas ce que ça a voulu me raconter à terme en fait. Mais c'est pas grave, regarde. Quelle est l'histoire que ça veut me raconter ? Quel est le message que ça veut faire passer ? Ah non, mais c'est juste qu'il y a des nanas avec des chaînes sur le corps et tout à poil. Non, je crois que l'auteur il était sous coke. Hein. c'est vide de sens, c'est creux, il y a rien. Tout ça part d'un viol aussi. Oui, c'est. Ah bon ? Je m'en rappelais plus de ça. Bah au début c'est consentant mais après quand il se transforme c'est plus vraiment consentant quoi. Ah oui effectivement ouais. Ce genre de choses. Bon ça arrive plusieurs fois dans le tome dans mon souvenir. Ah oui bah oui mais après il y en a plusieurs oui. C'est parce que ceux qui seraient peut-être les gentils, donc la discipline, il y a un côté très sexiste, enfin il y a plusieurs scènes où on les voit, c'est signalé d'ailleurs pour le coup. Ils sont hyper sexistes, hyper rétrogrades, donc. C'est des connards même tu vois. Ouais, c'est des connards. Donc on comprend pas en fait. Bah c'est le cliché des intellectuels qui tirent tout le monde comme des marionnettes pour servir leur c'est ça. Leur but quoi. Non mais sauf que là il y a pas enfin le but on ne le connaît pas. Ah non le but on le connaît. C'est ça le souci. Ça à la limite si ça avait été traité comme un sujet ça aurait été intéressant la fille qui se retrouve embarquée dans une sorte de truc de guerre entre deux clans qui la dépasse complètement. Et où aucun des deux clans n'est vraiment le bien ou le mal, ouais. Ça aurait pu être sympa, mais c'est juste que c'est très mal, c'est pas traité en fait. Bah c'est pas traité, puis on sait même pas pourquoi ça passe par la sexualité, on sait pas leur but, on sait pas ce qui. Puis ça même pour pas leur. On comprend rien quoi. On sait pas pourquoi vendre. Elle plutôt qu'une autre. Mais même pas pour faire vendre, parce que même les passages sexuels ont rien d'excitant ou voilà, c'est t'as même pas envie de t'arrêter sur les scènes quoi, tellement c'est ah, c'est, y a peut-être c'est juste ça dégueu. Intéresse hein, les femmes en suspension. Hein. Non, parce que j'ai vu, il y en a plusieurs quand même dans le truc. Non, c'est pas possible. Et puis le personnage principal donc qui se fait entre guillemets violer. Deux chapitres après, elle est déjà dans le bain, voilà. Elle connaît son taf et tout, enfin, c'est chelou. Moi j'ai l'impression que pendant 5 chapitres, elle comprend rien à ce qui lui arrive et que dans les deux dernières pages, d'un coup, elle comprend tout. Parce qu'au dernier chapitre du tome unique, elle a toujours rien pigé, hein, nous non plus d'ailleurs. Donc voilà, C'est... Ce serait pas ça le but. Voilà. Est-ce que ce serait pas une mise en abîme de la compréhension, de l'incompréhension du lecteur face à ce qu'il a devant les yeux? Est-ce qu'on l'a pas lu à l'envers? Eh, c'est... Non, mais là, pour le coup, tout ce que vous avez reproché à Insects, justement, il y a deux bah, épisodes. Ça y est, mais en pire. Ça y est, mais en pire. C'est voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, là, je comprends tous vos reproches à Insects. C'est de la merde. Ça va vite retourner chez son diffuseur. Je n'en veux pas. Oh bon, je peux essayer. C'est écrit par Peter Milligan, on l'a pas dit, et c'est dessiné par je ne vois pas le nom d'ici. Leonardo Fernandez. Voilà, qui aurait pu s'abstenir. C'est cool. Et c'est édité par Panini Comics. Ah, bon Panini. Bah ça va, dans un mois ce sera indisponible. Le style graphique ça me plaît. Hein, s'il faut non, parce que ça se voudra pas. Bah, perso ça me plaît. Ouais. Il est très inégal, ah, il y a quand même des planches graphique. Dégueulasses. Hein. Il y a des oui, planches. Oui, bah après c'est ce qu'on disait l'autre fois sur je sais plus quel bouquin d'ailleurs. Mais clairement, il a un style à la Eduardo Risso. Mais Eduardo Risso, c'est beaucoup mieux. Tu sais, des fois, t'as des cases où tu te dis il a passé 5 minutes, et d'autres cases où ouais. Tu te dis il a passé 2 minutes. Bah, c'est ce qu'on disait sur Critical Hit avant-hier. Oui, voilà, c'est ça. C'est le genre de style où forcément il y a des cases où ça part en couille. Quoi. Critical Hit qu'on parlera probablement au prochain podcast. Mais là, c'est des pages complètes. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, ça passe ouais. D'un style à l'autre. Là-bas, c'est le même auteur. C'est sur Insex. Quoi. Ça, je suis désolé, cette page, elle est moche. Quoi. Oh la vache. Ouais, je suis d'accord. Mal dessiné. Bon, on va pas parler plus longtemps de cette daube. Hein? Ouais, on peut s'arrêter là, je pense. Ouais, on va s'arrêter là. Parce que le prochain titre va aussi nous faire saigner. C'est quoi? C'est un truc que tu n'as pas lu. Ah oui. Là, j'ai un gros monstre en train d'enculer quelqu'un. Alors, t'étais obligé de le dire. T'étais obligé de le dire avec ces mots-là. T'étais vraiment obligé de le dire avec ces mots-là. Moi, je ne coupe pas, moi. En train de forcer. La porte de derrière. Voilà, avec violence. L'entrée des artistes. L'entrée des artistes de quelqu'un. Par le tuyau d'évacuation. Et en plus. Gros... Par le sous-char. Voilà. Le sous-char. Je vous rappelle qu'il y a un moment dans le générique où on dit qu'on n'a pas un humour lourd. Le sous-char. Mais je sais pas pourquoi on dit ça dans la chanson en fait. Il m'a compris. Je pense que c'était juste pour la rime. Oh mon dieu. Pas mal, pas mal. Bon, et si on passait à Silencer, un manga édité par Komiku, scénarisé par Sho Fumimura, dessiné par Yuka Nagate. Par Sho Fumimura. Fumimura. Ça veut dire qu'ils ont quand même trois à avoir bossé dessus, et donc ils ont pratiquement tous validé ce qu'il y a dedans. Hein, non, voilà. Ils sont deux. Sho Fumimura et Yuka Nagate. Ah oui, deux. Où on suit l'histoire de Shizuka, une policière qui aime son pistolet silencieux plus que tout. De quoi? C'est un résumé derrière. Oh non, mais si Komiku s'y met aussi. De retour au Japon après un. Oh, c'est de la merde. Non, le résumé il est vraiment catastrophique. Bon, en gros, c'est une fanflic qui va se retrouver à mener une enquête de dealer d'armes, il me semble. Enfin, de dealer d'armes, non, bon, de fournisseur d'armes, il me semble. Ouais, et puis, je crois qu'ils sont dealers hein, aussi. Ils sont dealers aussi. Ouais. Et qui va devoir faire équipe avec. Avec un salopard de toute catégorie. Voilà. Qui ne trouve rien de mieux à faire dans les premières scènes du bouquin que de la droguer pour la violer dans son sommeil. Et elle s'en rend compte et. Au KLM, c'est pas grave, lol. Ah bon? Voilà. Mais disons que. Donc là, déjà, j'ai vomi. C'est le cliché de la femme forte et indépendante. Là, je me dis qu'il faire violer. Mais à côté de ça, elle a ses faiblesses. Voilà. Mais le truc, c'est que non. Bah si, si, mais très mal fait, quoi. C'est le thème est complètement con, quoi. C'est puis c'est la merde, et puis c'est insultant, et pas tout ce que tu veux. Voilà. Mais sinon, c'est ça, la base, hein, c'est ça. Hein. C'est la femme forte indépendante qui a ses faiblesses quand même. Bah ouais, le truc, c'est que ça passe son temps à banaliser, voire traiter sur le ton de l'humour. Voilà. Le comportement des deux personnages principaux, que ce soit lui qui a un espèce de. De gros beauf et cervelé. Violeur, balance ton porc. Ou elle qui, quand on y réfléchit, est quand même très dans la violence policière. Ah oui, oui carrément. Super dérangeante, je veux dire, elle est pas plus attachante qu'il ne l'est. Ah non, aucun n'est attachant dans cette histoire. Alors que Alexandre est en train d'admirer. C'est moi, franchement, tu m'as dit que t'étais pas d'accord, mais ça m'a fait penser un peu à Adam et Ève dont on avait parlé il y a quelques mois. Oui. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est le truc qui essaie tellement de se la jouer thriller noir, dark and gritty, que ça en devient ridicule et dérangeant à force de rajouter des éléments hyper exagéré et assez malsain en fait, parce que assez mal géré. Et du coup, comme je t'ai répondu en off, moi je vois moins de sérieux dans Adam et Eve qu'il n'y en a dans Silencer. Je suis d'accord, mais dans Adam et Eve, c'est pas parce qu'il n'y avait pas le côté sérieux, enfin c'était traité sur le ton de l'humour, mais il y avait des trucs super dérangeants autour de ouais, je sens la chatte, je devine l'âge de la femme. Pour moi, c'est du même niveau que ce qu'on a là, quoi. Mmh. Bah, dans Silencer, il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas de consentement, quoi. Parce qu'il y en avait dans Adam et Eve. Bah, la nana s'en fout, quoi. Oui, certes, mais bon, y a, dans mon souvenir, il y a 5-6 femmes qui sont là sans consentement en même temps que les Yakuza. Oui, oui, aussi. On va pas revenir sur ce débat-là, mais. Oui, oui. Non, c'est vraiment pas bien. Il n'y a pas de scène de viol ? Bah non, parce qu'elle l'en empêche avant. C'est ce que je t'ai dit. Bah je trouve pas la scène. Bah attends, je vais te la trouver. Ah, t'as trouvé cette scène de merde. C'est bon, le mec, on lui parle de viol, faut qu'il le trouve. Bah non, mais parce que t'as dit au début, et puis je viens de faire le début, je vois rien, donc. Bah au début, elle est aux États-Unis, donc c'est. Bah au début, elle fait une espèce de mission chelou, là, où elle tue le plus vieux, là. Ouais, qu'on ne comprend pas bien, d'ailleurs. Plus faire la moitié, d'ailleurs. Non, bah, j'ai pas vu, hein, c'est tout. Ah, mais oui, mais c'est celle. Oui, non, mais d'accord, ok. Non, ouais. Mais voilà, c'est le truc qui est. C'est pas le perso principal, ça, si. Si, si. Ah, ok, d'accord. C'est le truc qui essaie tout du long de se à jouer, mature. Ah, c'est là. Ah, mais ouais, j'ai vu, ok. Voilà. C'est hyper chelou, ouais. Ouais, c'est glauque. Voilà, voilà. C'est, le but, c'est vraiment de faire des personnages. Je pense que le but, c'était de faire des personnages un peu à la Inspecteur Harry, qui sont super à la limite de la loi, qui agissent de manière en dehors des clous. Mais il a tellement poussé ça loin et tellement dans des côtés où il aurait pas dû aller que voilà, c'est juste des connards en fait comme personne. C'est ça. C'est une série terminée en 4 tomes. Hein. Tant mieux. Et est-ce que c'est fait par Panini ? Ah non, c'est pas Panini. Non, parce que sinon ça aurait pu ne pas marcher et ils auraient pas fait la suite. Ah, c'est fait par Komiku qui commence à avoir de sales habitudes, je trouve. Mais j'ai du mal à comprendre, ouais, comment ça peut être édité, ça. C'est parce qu'ils ont fait quoi d'autre qui pose problème, Komiku ? Bah, c'est pas tant des trucs qui posent problème, c'est juste qu'ils sortent des trucs aux F, quoi, c'est tout. Ouais. À côté de ça, il y a quand même l'enfoiré de maudit, quoi, c'est ça le truc. Ouais, ils ont des trucs, ils ont des trucs bien, mais. Oui, il y a ça, quoi. Bah, il y a d'autres trucs, hein, je me demande comment ça a été édité en France. Hein. Ouais, mais ça, on en a déjà parlé voilà, au numéro précédent. Il y en a plusieurs. Il y a Takeshi Kitano à la fin, Silencer. Voilà. Et ça, c'est rigolo. Ouais. Mais ça nous donnera pas envie de lire le tome 2. Non, j'ai pas dit ça, mais il y a Takeshi Kitano. Ça a rendu le dernier chapitre un peu moins chiant à lire pour c'est moi. C'est ça. Je suis pas arrivé jusqu'au dernier chapitre. Alors, rassurez-vous, chers auditeurs, nous en avons fini avec les mauvaises œuvres. Maintenant, nous allons aborder que des trucs... Ah non, il y a lui, il y a le fameux dixième. Bon, qui est pas problématique et qui est pas non plus nul à chier, mais... Oui. Qui est moyen. Bon, laissons Silencer derrière nous. Je vais laisser la parole à Issam, Alex et Necro. Car je ne l'ai pas lu. Vous allez nous parler, messieurs, de Dark Grimoire, édité par Kana. Alors, Dark Grimoire, c'est effectivement l'histoire de Datli, qui étudie dans une école de sorcellerie. Et lors d'un exercice en fait en extérieur, ils sont censés survivre en extérieur, je ne sais plus dans quel contexte. Son camarade, son binôme, se fait tuer par une créature, et lui, qui a trouvé quelques jours avant un étrange grimoire de sort interdit, va ressusciter son camarade. Et à partir de là, en fait, ils sont unis par ce secret de la résurrection et de l'utilisation d'un sort qui n'aurait jamais dû être employé. Et donc, on va suivre les deux, qui découvrent un peu les secrets de l'un de l'autre... Avec celui qui a ressuscité, qui est un peu dans une manipulation sans qu'on sache jamais trop pourquoi vis-à-vis de son camarade. Et en parallèle de ça, on a une enquête du coup pour deviner qui a fourni ce grimoire à Atli, qui lui a mis sous les yeux et pourquoi. Surtout que ce grimoire, il peut même pas s'en débarrasser parce qu'il y a une espèce de gimmick qu'on voit souvent, c'est que quoi qu'il arrive, le grimoire il reste intact ou alors il réapparaît chez lui, quoi. En fait, t'as carrément raison, Nécro, c'est le résumé de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Harry Potter au pays des nécromanciens. C'est vraiment Harry Potter, ouais. Ouais, c'est le résumé le plus court que j'ai trouvé. Hein. Quoi qu'il fasse, le grimoire il reste là et il est dans la merde, quoi. D'accord. Mm. Alors je feuillette et c'est plutôt très joli. Mm. C'est plutôt joli, oui. C'est, après, moi, en fait, c'est bien fait. Niveau narratif et niveau personnage, je reconnais que c'est bien fait. Mais j'ai pas particulièrement adhéré, j'ai pas réussi à rentrer dedans plus que ça. Mm-hmm. Je trouve qu'on s'améliore quand même au niveau des descriptions, là, depuis tout à l'heure. On commence à se roder au niveau des descriptions. Bah en fait, ce qu'on a lu. Oui. Ce manga, ça fait partie de tous ceux dont on fait la description à chaque fois et qu'on dit c'est banal, c'est pas méchant, mais ça nous a pas marqué, quoi. Oui, ouais. Il est pas... Parce que le style graphique, pareil, moi j'aime beaucoup, j'aime bien, les visages sont bien faits, je trouve. C'est bien soigné. C'est propre, c'est soigné. Bon, l'histoire est escalée, elle est pas inintéressante, mais pas révolutionnaire. Après, c'est fini en 4 tomes, est-ce qu'il n'y aura pas un risque que ce soit bâclé, selon vous? Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour ce qui s'avance. Hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Non, ça peut donner justement une narration assez resserrée. Le tome 1 est pas très lent, mais on avance quand même pas très très vite non plus, donc ça reste un rythme de croisière correct. On a un petit rebondissement à la fin. C'est classique, quoi. Et ils sont pas cons. Non, les personnages sont loin d'être cons. C'est... Oui, non, parce que là. Comment ça nous manquait aujourd'hui, ouais. Personnages pas cons. Non, mais voilà, c'est bien, mais j'irai pas jusqu'à crier sur tous les toits qu'il faut absolument le lire. Voilà, c'est pas honteux d'avoir ça dans la bibliothèque. Voilà, je comprends largement que ça puisse plaire. Ouais, ouais, c'est la série courte sympatoche. Merci, messieurs. Nous allons passer maintenant au prochain titre. On l'a bien vendu aujourd'hui. Bienvenue dans Courcast. Il y a un truc qu'on va réussir à vendre là. Mais j'ai un train à prendre dans 20 minutes, alors si on peut accélérer encore. Oh putain, alors on va parler de. On va maintenant aborder le cas Lost Children. Édité par Kihoon. Une œuvre originale Kihoon, donc qui sort chez nous avant de sortir au Japon. Ah oui, ça fait partie de toutes celles où ils vont faire ça. C'est ça. Cette année, ouais. Je préviens, je vais pas être foutu de résumer le début. Hop, Lost Children donc, écrit et dessiné par Tomomi Shimoyama. Attends, est-ce que ça fait partie des œuvres qu'ils avaient mis dans le Kihoon Mag? Exactement. Ok. tous les extraits présents dans le Kihoon Mag, c'est des créations originales. Oui. Donc, qui sortent chez nous avant de sortir là-bas. On suit deux personnages, Ran et Yuri, qui sont amis d'enfance, qui se connaissent depuis l'enfance. Un jour, dans leur univers, il s'est passé un petit drame, hein, il s'est passé un léger souci, alors on appelle ça la guerre. C'est triste, mais ça peut arriver. Et du coup, ça les a séparés. Et en fait, ce premier tome, c'est vraiment un tome... Et après, ils arrivent à Calais. Et ils se font chasser. Ta gueule. Et du coup, alors c'est un tome très introductif. On dit qu'ils volent les allocs. Ta gueule. Ou. Alors il y a un moment dans le décor, il y a une petite. Ta gueule. Après, ils défilent sur les Champs-Élysées. Vos gueules. Les papiers. Oui, papiers. Moi, j'aime bien le chapitre où on suit ces mecs dans les Alpes qui installent des blocages, des blocus. Ah oui, les petits fils de voilà. Papa et maman. C'est ça. Ouais. Moi, je m'en vais. La France aux Français. Et donc, le héros du truc, c'est Gérard Collomb. On lisera, lit papier. Moi, je vais... non, mais c'est aussi, bon, on prend le contrôle de ce podcast. Ouais, je vais quitter l'aventure. National. Jeanne au school. N'est-ce pas? Oh la vache. Un manga sorti en exclusivité en France, n'est-ce pas? Alors, faut comprendre que... Ils sont déchaînés. Faut comprendre que le ton est extrêmement adulte quand même dans ce manga-là. Et déchaîné. Que ça a rien à voir avec la façon dont vous le vendez tout de suite. Et c'est pas du tout une comédie, hein. Ah non, pas du tout. Non. C'est bon, vous êtes calmé. Ça va. Ça va. C'est bon. On va pouvoir faire front. Non. Je vais postuler dans un autre podcast, je crois. Je vais chercher d'autres gens. À qui bosser? Demande à Sophia l'Irambule. Je vais aller m'installer en Suisse. Qu'on salue. C'est bon? C'est bon. Vous allez mieux? Tu peux y aller. C'est bon, on peut reprendre... On peut reprendre l'enregistrement. C'est bon, pour reprendre le cours de cette émission. Ouais. Oui. Hein? Vas-y. Ouais, vas-y. Je te regarde avec insistance. Ouais. Non, mais. Vas-y, tu as le droit. Je t'autorise à. Ah, tu m'autorises en plus. En plus, tu m'autorises. Ah putain. J'ai mon éclair à manger, donc profite, hein, tant que je le finis. Ouais, bah, voilà, ta gueule. Un éclair, un gâteau et trois crocodiles. Voilà. Allez, raconte pas ta vie, rouge. Ta gueule et mange. Alors, est-ce qu'on est d'accord, messieurs, pour dire que c'est un tome très introductif? Très introductif, très détaillé. Et avec une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est quand il y a une langue qui n'est pas la langue principale. Oui, elle n'est pas traduite. Alors, elle est traduite à des moments. C'est ça. Et sinon, il y a des moments, il y a de grands moments où elle n'est pas traduite du tout. Et du coup, bah, tu sais pas ce qui se dit, tout simplement, quoi. T'as quelqu'un qui récite du texte et tu vois. Donc, la structure de ce premier tome, elle est archi simple. Hein. C'est le premier tome, on se concentre sur Ran, le second sur Yuri, et le troisième, bah, c'est sur leur passé commun quand ils étaient gamins. Voilà, on peut pas faire plus simple comme structure. C'est pourquoi, pourquoi ils ont pas sorti les deux Bah, peut-être que le tome 2 n'est pas encore fait, au hasard. Peut-être. Tu vois. Visuellement, c'est joli, mais c'est assez classique. Ouais, mais ça passe vraiment ça bien. Ça passe bien. Bah, disons que le dessin est assez sombre et ça colle vraiment avec l'ambiance globale du titre. Parce que pour le coup, c'est un tome d'introduction, mais ça donne envie de connaître la suite. C'est ça. Parce qu'en consacrant un chapitre à chacun des deux personnages, ça permet de bien les développer dès le départ. Ouais. Ils sont assez attachants. Et malgré que ça soit introductif, ça te balance pas plein d'informations sur l'univers. C'est pas chiant comme lecture. Comparé à un autre titre qu'on parlera, bah, qu'on va parler juste après, justement, qui lui a tendance à balancer trop d'infos. Pour le coup, ça t'en balance beaucoup les infos hein, sur la guerre, sur les conflits, sur les castes sociales, mais... sur les. Ouais, mais les pas de manière chiante. Voilà, c'est juste que c'est bien géré parce que c'est bien amené. T'as énormément d'infos. C'est bien amené. T'as aussi des informations à la fin du bouquin sur l'univers en question avec mots d'auteur, interview de l'auteur. Voilà, très très chouette. Si une question. Ouais, je sais pas si j'ai bien compris. C'est un tome par perso ou c'est un chapitre non, par perso? Non, premier chapitre un personnage, second chapitre un autre perso, troisième chapitre du manga, leur enfance ensemble quoi. D'accord, ok. Ah, je crois que c'était le tome. Parce que c'est pour ça que je disais. En fait, les deux... tu t'es planté, t'as dit premier tome. Ah, d'accord. Ouais, c'est clair. Pour ça. Parce que j'allais dire, sinon, vous auriez dû sortir les deux ensemble quoi. Parce que c'est vos conneries, vous m'avez perturbé. Ah, ok. Non, sinon... Mais d'ailleurs, c'est dans les notes à la fin, il parle des différentes cultures dont il s'est inspiré pour faire son tome, et effectivement, on sent que le mec veut traiter du thème de l'immigration, des réfugiés de guerre et compagnie. Parce que les pays dont il s'est inspiré, dans l'ensemble, c'est des pays où il y a eu ce genre de problème. Oui, genre la Corée. Non, puis, ouais, je sais plus desquels il parle, mais voilà. Et puis ça sent qu'il y a aussi des guerres actuelles, contemporaines, quoi, dont il parle. Le Vietnam, le Bhoutan, voilà. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est aussi le détail des décors en fond. Ouais. C'est-à-dire, les zones de guerre, tu y crois? C'est-à-dire, c'est le défaut qu'on retrouve souvent dans les trucs de guerre, c'est que, tu vois, les bâtiments soient complètement effondrés, soit quelques impacts. Là, les dégâts sont réalistes. C'est-à-dire que, quand tu vois des reportages de zones de guerre, c'est les mêmes décors. Donc ça, c'est... on sent qu'il y a eu un gros travail, artistiquement. Ah, visuellement, c'est très très beau. Ah oui, oui. Puis c'est bien rempli, il n'y a pas de vide en fait. Toutes les pages, je montre à Alex, toutes les pages sont remplies et ça fait plaisir, n'est-ce pas? Non, et puis l'édition est de bonne qualité aussi. Oui, bah après ça c'est du Kiun, hein, donc. Ah oui, on fait confiance maintenant. Le papier est de bonne qualité, voilà, il n'y a pas de. Les petites pages couleur au début qui font plaisir, voilà. Clairement. Pas comme Pika. J'attends le tome 2. Pas comme qui? Pika. Qui? Qui? Pika. Culé, va. Est-ce qu'on a des titres à eux? Ah oui, merde. En plus, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de page couleur. On peut le redire. Ouais, mais peut-être qu'il n'y en a pas dans le manga de base non plus. Enfin, voilà. T'as foutu de l'eau partout en laissant ça, ça l'a pris. Enfoiré. Ouais, c'est ma veste aussi qui goûte. Donc voilà, Lost Children, on recommande. Oui, clairement. Mais je recommande. Oh, tu recommandes? Ouais. Je t'entends pas, tu recommandes. On va passer à un autre titre. On va rester un petit peu dans un univers Heroic Fantasy. Titre que j'ai pas autour de la table, donc on va pas pouvoir le feuilleter en parlant. C'est cool. Il s'agit de Orion, édité par Glénat, manga français, scénarisé par Alienke, donc un youtubeur, et dessiné par je ne sais plus qui. Et tu en as plus du tout. Et j'en ai plus du tout. Ah, production locale. Bon, au moins il s'est bien vendu. Ah putain. Nos artisans ont du talent. La belle roue. La belle roue. Leclerc approuve, c'est bon. Vous savez que ce podcast va être très censuré. Vous en avez conscience. Un manga entièrement écrit par des dessinateurs élevés au plein air. sans OGM. Élevé en basse-cour. Ce podcast a été entièrement bruité à la bouche. Ce podcast va être le plus court de l'histoire. Il va rester 10 minutes, une fois qu'on aura enlevé tous les passages censurés. Merde. Donc, est-ce que dans Orion, il y a une histoire? Alors, potentiellement. Bon. Bah, vas-y, alors, je t'écoute. T'exagères, là. Bah, je t'écoute. Non, mais bah, okay, je me demandais pas le nom des personnes. C'est l'histoire d'un mec qui arrive dans une forteresse pour goûter un champignon qui pousse sur un insecte à la con. Et c'est censé le rendre plus fort s'il survit. Et bon, bah, il meurt. Mais ensuite, tu as son frère qui, lui, est dans une autre aventure avec une autre équipe et qui va, suite à de nombreuses péripéties, de être confronté à la même épreuve. Voilà, donc c'est... Voilà. Son frère le cherche. Oui, donc c'est scénarisé par Lienke et dessiné par NIB, voilà, je cherchais. C'est, en fait, voilà, c'est son frère le cherche sans savoir au début qu'il est mort. Voilà. Il cherche juste son frère, voilà. Mais t'es où ? Et voilà, ils font la route jusqu'à la forteresse. Alors, sachant qu'entre-temps, ils se prennent sur la gueule des chasseurs de primes, des trucs comme ça. Enfin... Et pourquoi ça s'appelle Orion ? Ils font la rencontre de nouveaux amis. C'est le nom de l'univers. Ok. Ouais. C'est ça, hein ? Orion, c'est le nom de l'univers. Ouais, je crois. C'est ça. Et c'est... Bof. Et c'est pas passionnant. C'est le bordel. Je sais pas si un de vous a réussi à suivre correctement l'histoire. Sans... Non, parce que la narration est lourdingue. Voilà. En fait, ouais, c'est pas que c'est le bordel, c'est que c'est lourd. En fait, t'as trop d'éléments. Donc moi, il y a un truc qui est assez symptomatique. C'est une scène où deux personnages font une sorte de duel. Ah bah, c'est la scène qu'on parlait en off. De duel-jeu, où ils doivent se... Enfin, c'est ils se battent et ils doivent se toucher à tel endroit pour marquer un point. Ah, ouais. Ils recouvrent les mains de suie, voilà, déjà. En se recouvrant les mains de suie pour que l'impact soit évident. Et il y a 2-3 pages, je crois, où on nous explique les règles. Pour un alors truc effectivement, on s'en alors que les règles en plus elles sont putain de simples quoi. C'est... Bah, et puis surtout ça dure que 2 pages après donc. Ouais, et puis en plus les règles, je veux dire, le mec il t'explique ça en 2 lignes dès le début et puis c'est bon quoi. Voilà. tu te mets de la suite, tu me touches et voilà, t'as gagné. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Sinon, scène. Quand on était enfant, je te rappelle. J'ai trouvé plus intéressante la scène du bras de fer. Je vais arrêter de prendre mon bain avec, avec cet odieux personnage. Le truc du bras de fer, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Non, il y a un moment, ah oui, les oui. personnages ah, qui oui. fait un bras de fer. Ça, c'était tellement pas intéressant que j'avais complètement oublié cette séquence. Et du coup, c'est. J'ai une femme qui réussit à faire les bras de fer, à tous les gagner, et qui dit en fait, je te donnerai ce que tu veux, en gros, c'est quand tu auras réussi à faire qu'il y ait du sang sur mes mains. Donc en gros, normalement, c'est. Tu dis. J'ai réussi à me blesser, quoi. Et il a mis du ketchup. Et bah, en fait, le jeune homme, il se retrouve à se faire exploser la main, mais il continue, puis finalement, elle lui dit ouais, ben bah, en fait, t'as gagné. Enfin, c'est pas mon sang qui coule de ma main, mais c'est le tien, t'as gagné, il y a du sang sur mes mains. Voilà, c'est... C'était très intéressant. Ouais, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. J'étais ironique. Non, c'est Osef. Clairement, c'est Osef. Alors, à la limite, on peut juste dire que les personnages féminins sont à peu près à égalité avec les personnages masculins. Oui, c'est déjà pas mal. On peut aussi dire que visuellement, c'est loin d'être dégueulasse. Ouais, il y a des trucs qui vont pas. Hein, le dessin est quand même propre. Enfin, dans l'ensemble, il est quand même propre. Mais il y a des trucs qui vont pas quand même. Clairement, c'est pas le truc que je jetterais en premier. C'est pas le truc le plus pourri, ouais. C'est non, mais en fait, le souci, c'est que le mec a créé un univers auquel visiblement il tient beaucoup et il tient vraiment à tout nous en faire découvrir beaucoup trop rapidement. Ah, c'est ça. Et en fait, ça allait faire un peu guide de voyage. On découvre un univers, mais de manière très froide. Mais puis le souci, c'est que ce problème-là, il le reproduit aussi sur les personnages. Dès le premier tome, il introduit 6 ou 7 personnages, c'est beaucoup trop. Alors moi j'ai pensé à un côté Lucky Luke avec les frontières où tu as la plaine herbeuse avec la vache qui est en train de brouter tranquille et puis là t'as la frontière pointillée, t'as le désert avec un squelette de vache. C'est ce côté on a un désert et puis après on arrive dans un château où tout est luxuriant quoi. Tu dis, mais c'est quoi ton problème géographiquement? Donc ouais, non même l'univers non. Ça sauve pas. Moi, ça m'a donné envie, hein, merci. Non, mais on verra bien la suite, au pire. Hein. Je te recommande. C'est pas non plus le truc le plus honteux trop bien. Qu'on ait jamais lu. Ah non, c'est pas honteux, c'est bancal. C'est... Voilà. Voilà. Peut-être que ça pourra... Clairement, avec un tome 1 comme ça, ça peut s'améliorer. C'est pas catastrophique au point où on se dit « Non, ça s'améliorera pas. » Ça peut s'améliorer. Et on espère que ça s'améliore. On va pas non plus souhaiter... Oui, voilà. C'était de la merde. Alors, j'ai une question qui m'a trotté là. Est-ce que c'était passé au Shonen Jump ou pas? Non, c'est français. Ah, c'est français, ça? Mais oui. Hop. Non, parce que je pensais au Shonen Jump, parce que Shonen Jump, ils sont habitués de faire. Ils sont obligés de faire des histoires courtes au début pour avoir la chance d'être paru. Et du coup, après, ils se retrouvent à faire des histoires longues alors qu'ils ont travaillé que des trucs courts. Mais non. Et du coup, ça, des fois, ça a des rythmes. Bon, bah tant pis, on passe des trucs. C'est pour ça que Naruto, c'était bien au début. Exactement. Parce qu'après, bah, il faut étirer. Ouais, après Zabuza, c'est nul, quoi. Ah tiens. Excellent combat. Ah tiens. Ah tiens. Tiens. Ah tiens. Je peux pas aller jusque là, je peux pas dire. C'est comme Bleach. Ah bah non. En somme. Bleach, ouais, bah Bleach c'était cool au début, puis après tu te demandes pourquoi il y a des fillers. Et Fairy Tail aussi, non? Non, c'est pas la chose. Non, ça, ça aurait même pas dû exister. Tu t'es trompé. Bon, on laisse l'univers d'Orion derrière nous. Ah ouais. Ouais. Et cette fois-ci, nous en avons vraiment fini avec les trucs pas terribles. C'est con, hein, on aurait dû du bien, on aurait pu se faire retweeter par un youtubeur. On le réenregistre. Et puis je le cite dans le tweet, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup In the Panda. Bah après, vous avez pas dit que c'était de la merde. Oui. Non. Juste que ça vous a pas plu ou que vous avez retrouvé des défauts, mais après... On rappelle que ce ne sont que nos avis. Après, on peut tout à fait se respecter en n'étant pas d'accord sur les œuvres. Hein. C'est, d'ailleurs, entre nous, on n'est pas d'accord la plupart du temps. C'est ça. Donc, mais on ne se respecte pas non plus. C'est vrai, on se crache à la gueule. Mais... Bon, on est d'accord que la discipline, c'était vraiment de la merde, quoi, par exemple. Mais, oui, voilà. Voilà. Ça, mais dans le respect, évidemment. Vu, c'est bon. On respecte. Hein. Ah non, mais je parle entre critique. Oui. On se respecte. Oui. Ouais. Bon, des fois, il y en a qui ont des choix de merde. Mais... Mon Dieu. Mais moi, on m'a toujours appris à respecter les êtres inférieurs, hein. J'ai été bien éduqué. C'est pour ça qu'on te parle. Tellement de potentiel de blagues. Oui. Tellement de blagues à ne pas faire. C'est sûr. Oh, ça. Tellement de potentiel de blagues à ne surtout pas faire. Ah, c'est bon, j'ai résisté. Aidez-moi. Donc, on disait mais, pour parler de manga français, il y a eu la couverture du truc de du truc. Gims. Déjà, ça commence bien. Ah, le Maître Gims qui va sortir en octobre. Voilà, ouais. Et ne serait-ce que la couverture, voilà, ça alors, pas envie, est pire hein. Que celle de Rampon. Moi qui pensais qu'il avait eu une petite implication dans le scénar ou quoi, de ce que j'ai compris, même pas. Mais ça, c'est clair. Ah non, mais faut pas qu'il touche au scénar. Non, mais non, genre, il fait vraiment rien, quoi. Ah ouais. Non, mais faut il met juste son nom dessus, je crois. Alors ça, et il a un lien de parenté avec quelqu'un, je crois. Ouais, il y a son frère dessus. Mais ouais. Comment, en fait, comment tu sais, du coup, exactement ce qu'il a fait? Parce que j'ai cherché info et j'ai pas trouvé, moi, juste. Bah, ils en ont parlé dans des émissions ou des podcasts ou quoi, et apparemment, il fait vraiment rien, quoi. Ils en ont parlé dans TPMP. Donc c'est vraiment entièrement. Oui, ils l'ont invité et il en a parlé dans TPMP. Comment? Quoi? Vraiment entièrement scénarisé par Morvan. Je pense, moi. Ouais. Apparemment, ouais. Maître Gims qui a sorti aussi sa version de Bella Ciao. On est content de le savoir, merci. Elle est déjà sortie. Je suis pas allé écouter. Bah, elle est tout à fait écoutable. Il y a Vita, enfin, tu peux l'avoir sur tu le net. Tu peux l'écouter, mais est-ce qu'elle est écoutable pour autant? Non. j'ai abandonné au premier couplet. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi le Jet Setter là, qui a refait un remix. C'est. Français là. Comment il s'appelle? David Guetta? Non. Un vieux. David Lafarge Pokémon. Non, qui est tout le temps sur la croisette là, mais un vieux de la vieille. Le perdu. Mais non. Bienvenue dans Closer, le podcast. Et genre, votre là-bas, nouveau rendez-vous. C'est un chant révolutionnaire et à la base maintenant ils en font un remix. Quoi déjà à partir du moment où Maître Gims. C'est pas. Alors c'est. C'est pas révolutionnaire. Je sais que c'est un chant. C'est un chant des résistants italiens. Bah, c'est un chant qui est devenu révolutionnaire, révolutionnaire parce qu'il était employé voilà. par reconnaissance. Enfin bref, Maître Gims. T'as vu dérange si je fais autre chose hein, pendant que vous parlez. Si vous voulez un film sur ton qui téléphone a une très très bonne utilisation d'une version a cappella de Bella Ciao, je vous conseille A cappella, justement, c'est le titre français du film. Un film coréen absolument génial. Et si tu veux que t'as lu à la tête. Faut pas s'en empêcher. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Pas encore, c'est peut-être prévu parce qu'il est vraiment génial comme film. Il est super beau. D'ailleurs, c'est pas toi qui le dis, c'est marqué le dernier. Le dernier plan, c'est un des plus intelligents que j'ai vu depuis très longtemps. Et du coup, il parle que de l'utilisation de la musique. Bah, justement, c'est la musique a cappella a une grosse importance dedans. Super. Tu comprends. Hein, c'est elle qui fait passer le message final du film. Ce dimanche, donc était voilà, triste. C'est à voir. Non, mais faut qu'on meuble là. Pourquoi je suis là. Ça va, là on est en train de parler de cinéma et de Maître Gims, on a arrêté de parler de nazis. Ah, c'est pour une fois, on parle un peu d'accord. De nos artistes, quoi. Enfin, ah, d'accord. Vous me réveillez quand on parle de Macron. Hein. C'est quoi la suite? Il sort quand le prochain album de Black M? Je sais pas. Il sortira jusqu'à ce que nos eaux pourrissent. C'est la suite, ok. Joli enchaînement. Donc, jusqu'à ce que nos eaux pourrissent, qu'on a tous lu autour de cette table. Mmh. Oui. Quelqu'un veut-il en faire un résumé? Je peux essayer. Ah, tu peux non, essayer. Non, vas-y, je t'en prie, si tu veux. Bah, il est content, si il te déteste. Bah, si tu te sens de le faire, vas-y, mais sinon, j'aurais essayé. C'est l'histoire d'un groom tami qui a un lourd secret à se trimballer et qui, tous les ans, ce que j'aurais dit, commémore en vérifiant que tout est en place de façon à ce qu'il ne soit pas chopé. Bah, ça, on peut lire ça aussi, à la limite. Ils ont tué quelqu'un. Hein. Alors, donc, oui. En gros, ils ont buté quelqu'un. On le sait à la fin du premier chapitre. Ils ont tous un os. De la personne sur eux. Une phalange pour être exact. Et tous les ans ils viennent déterrer le corps pour voir s'il est en état de disparition progressive, parce que bah, quand il sera complètement disparu, ça veut dire que ils sont plus inquiétés. Il y a 5 ans, jour pour jour, nous avons commis un meurtre. Bon, on apprend quand même au milieu du manga qu'il y en a un, il a quand même perdu le bout de sa phalange et qu'il a pris un caillou pour faire genre il a pas perdu, quoi. Mais... et bien entendu ça va être découvert par un maître chanteur qui va les faire chanter. Parce que sinon, ça ne serait pas un maître chanteur. Oui. Par exemple, Maître Gims, c'est un maître chanteur. Ta gueule. Mais il sait pas chanter. Ta gueule. C'est un manga terminé en 7 tomes, édité par Pika, et du coup, dessiné et scénarisé par Yae Utsumi. Il me semble qu'autour de la table, tout le monde a plutôt apprécié. Ah, moi, j'ai vraiment bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa sans plus. J'ai bien aimé ce qu'il y a du sang. T'as bien aimé ce qu'il y a parce que. À un moment, il découpe un cadavre, genre voilà. Ça. Il y a des viscères, donc t'aimes bien. Et alors, j'ai bien aimé les comportements des personnages qui sont relativement corrects, genre, par rapport à l'état de panique, par rapport à oui, ça, la situation. C'est bien respecté. Là, c'est bien respecté. Mmh. Et même toute la partie avec le maître chanteur est assez, assez intéressante. Visuellement aussi, hein, c'est plutôt bien maîtrisé. Bon, je trouve quand même le clip un peu. Enfin, le clip. Le groupe un peu. Ah ouais, quand même! Ah ouais, non, mais le groupe un peu cliché, quoi. Il y a toujours ce stéréotype de la fille un peu obscure, le mec qui est amoureux d'elle, mais c'est pas son chéri. Ouais, mais je trouve qu'il. Oui, mais après. Ça part de ces clichés-là, mais dès le milieu, fin du tome, c'est qu'ils ont tous commencé à s'affiner. Oui. Et à mon avis, ça va aller en se poursuivre. Après, c'est pas mal fait, voilà. Mais c'est quand même un peu cliché. Puis après, c'est même ouais, c'est pas tant que cliché, c'est classique, quoi. Oui, oui. Disons que le fait de faire des personnages un peu classiques ou clichés aussi, c'est le souci, c'est que si jamais tu veux faire une œuvre, un manga, faut que ce soit accessible aux gens plus facilement. Et donc le fait de faire des personnages définis assez souvent, bah, finalement, ça rend l'œuvre plus accessible. Parce que même au niveau du c'est scénario, dommage. Quoi. Mais ah oui, même le scénar est classique aussi. Hein. Le scénar, c'est souvent l'été dernier, quoi. Un petit peu quand même. Ouais. Ouais. Enfin, d'après ce que laisse supposer la fin du tome, ça a quand même dévié de ça. Ouais, enfin, le premier tome, c'est Souviens-toi l'été dernier, quoi. Oui. En mieux. Oui, mais puisque Souviens-toi l'été dernier, oui, c'est du sous-slasher. Pas très bien. C'est du sous-slasher pour teenager. Voilà. C'est... Mm-hmm. D'ailleurs, je me suis toujours demandé dans Souviens-toi l'été dernier. Un film d'horreur qui crée l'horreur à partir d'un pêcheur. En plus. Voilà. Dans Souviens-toi l'été dernier, si elle s'était rappelée de son plan cul de l'été, finalement, le film, il aurait pas avancé pareil. Ouais. C'est un bon questionnement. Ça ne pense pas du tout au bon truc. Souviens-toi l'été dernier. Ah ouais, c'était trop bien. Mon Dieu. Non, mais c'est voilà, pour aussi par rapport au perso assez cliché au début, c'est aussi une manière de. Au début, ils veulent faire croire qu'ils sont normaux. Donc peut-être qu'ils adoptent des comportements clichés aussi qui cachent leur véritable nature. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement ressortir. Enfin, moi, le dans perso la suite, plus cliché pour moi, c'est quand même elle, quoi. C'est un peu la fille torturée, un peu sombre. Un peu paumé. Ouais, un peu paumé, je pense qu'elle va s'affiner par la suite. Qui attire un peu tous les mecs. Fin... Après, oui, il reste encore 6 tomes pour s'affiner. Voilà, tous voilà. Connus comme ça dans les lycées, collèges. Ouais, sûrement. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pas convaincu pour aller au tome 2. Moi, ça me donne un peu envie. Ah, pareil. Et ouais, ça me rend aussi curieux qu'un drop frame, par exemple. D'ailleurs, je me pose même la question sur est-ce que je l'ai terminé, quoi. C'est au même niveau qu'un drop frame pour toi? Un peu en dessous. Okay. Moi, très, très en dessous. J'ai toujours pas lu le tome 3 d'ailleurs. Moi non plus. Mais il y a du fun service. Si, je l'ai terminé. Je me souvenais pas de l'avoir terminé. c'est dire si ça m'a bien marqué. Non mais voilà, moi je recommande plutôt celui-là. Ah bah par contre je ne décommande pas. Ah non, c'est très bien. Je pense que oui, ça peut plaire à ceux qui aiment bien le thriller comme ça. Voilà. Et les personnages ne sont pas gaminisés. Non, on oui. trouve des fois dans les histoires comme ça où ils essayent de faire ah puis on va faire qu'ils soient cool quand même et qu'ils soient un peu gamins, comme ça les gens vont s'attacher plus. Non, non, c'est traité de façon plus cool. Vous en avez fini, messieurs? Ouais. Ouais. Et bah, je vais vous laisser la parole parce que le prochain, vous l'avez tous lu sauf moi. On va rester dans du thriller, cette fois-ci édité par Doki Doki avec Bird Cage Castle. Donc Bird Cage Castle par Tutaru Minami. C'est un peu dans la même veine des films de Jigsaw. On est on part d'une histoire d'une fille en fait qui a disparu dans une espèce d'attraction qui a été désertée. Et il y a une espèce de légende urbaine qui dit que si on y va en couple dans cette attraction, les gens ressortent amoureux. Et donc on soupçonne qu'elle y soit allée avec quelqu'un juste pour être en couple, quoi. Et il y a notamment un garçon qui va vouloir la retrouver, qui va partir à sa recherche avec d'autres personnes, il me semble. Il n'est pas tout seul. Il y a un groupe d'amis, je crois. Oui, ils y vont en groupe. Ouais. Et finalement, quand ils vont se retrouver dans cette attraction, pardon, ils vont découvrir qu'il y a une espèce de machination super bizarre qui consiste à emprisonner des gens. Et il va y avoir une espèce de jeu malsain à base de colliers en chaîne où ils sont enchaînés avec des dispositifs électroniques mortels, quoi. Ah. Mais mortels au sens propre. Ah. C'est-à-dire que si tu es... C'est toujours moins sexuel, c'est tout de suite moins sexuel. Si même. Tu es débranché de ton père... Père P-A-I-R-E. D'accord. T'es obligé d'être branché avec quelqu'un. Si tu es débranché, tu meurs. Alors, et aussi, si la aussi, ça analyse les signes vitaux. C'est-à-dire, oui. Si la personne qui est attachée de l'autre côté est morte, tu es considéré comme n'étant plus attaché à quelqu'un. Ouais. Donc, tu vas claquer. D'accord. C'est pour ça que je dis, c'est un peu dans la veine des Jigsaw, quoi. C'est un peu tordu comme ça. Et ça va être pareil. Ils vont devoir un peu gravir des épreuves. Des épreuves pour s'en sortir. D'accord. Voilà. Et ça va se manipuler, ça va se trahir. Ah oui, évidemment, là. C'est quand même très classique, ce que tu m'as dit. Ah oui, c'est classique, oui. C'est classique, oui. Et du coup, qu'est-ce que ça vaut? J'ai pas trouvé ça ouf à voir par la suite. Bon, moi, perso, je pense que j'irai pas, parce que c'est pas vraiment le genre de récit qui m'intéresse. C'est une série terminée en 4 tomes. Je trouvais que les persos, ils étaient pas trop déconnants, ça va. Non, ça va. Moi, je suis pas passé un moment. Non, non plus. Alors, je rappelle, je l'ai pas lu. Le dessin est très enfantin. Ouais, mais c'est là, justement, ça ne sert pas. Justement, on est dans le contraire de jusqu'à ce que nos opouristes, là, les personnages font très gamin, quoi. Mais les dessins, c'est tout en rondeur. Voilà, c'est là, je crois qu'ils font très très jeune. Ouais. Là, c'est pour faire le contraste avec la violence de ce qui se passe, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des trucs vraiment trash qui se passent dès le début, quoi. Et puis même les personnages sont assez trash entre eux. Quand tu vois l'utilisation du collier, ce que ça fait, tu dis oh là, c'est sympa. Si vous avez vu Battle Royale 2, quoi. Exactement. Ouais, mais non, Battle Royale 2. Pourquoi pas? Le 2? Pourquoi pas? Battle 2? Non, Battle Royale 1. Le 2? Battle Royale 1, le collier là, avec Takahashi qui fait péter un collier dès le début. Ah oui, il le fait aussi dans le premier. Voilà, ça force pas les gens à regarder le 2. Après, pour moi, ce sera juste un peu meilleur que tout ce qui a été Judge, etc. Là. Tu sais, toute la phase où on a eu que des mangas comme ça. Ouais, bah ça, tu peux pas savoir. Parce que très souvent, les Judge et les Dopt, c'est la fin qui est pourrie. Ouais, mais la fin sera devenue le chi aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau de l'ambiance, tu vois. Au niveau des personnages, des enjeux, c'est un peu la même chose. Parce que là, les personnages sont quand même plus développés sur ce premier tome que sur le reste. Non, puis même l'ambiance et tout, c'est moins cloisonné, c'est moins restreint, quoi. Donc, potentiellement, il peut y avoir plus de choses. Un truc que j'ai aimé, c'est les règles aussi, qui sont très simples. C'est. Voilà, la règle du collier, on l'a dit. Et sinon aussi, ils doivent avancer, mais quand ils font un choix, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Oui. Et du coup, bah, on se retrouve à chaque fois à faire une sorte de pile ou face, où ils peuvent finalement, s'ils ont choisi la mauvaise direction, ils sont juste à claquer, quoi. Tant pis. Alors c'est moi, il y a des oiseaux qui parlent. C'est des trucs mécaniques, je d'accord. crois. D'accord. Oui, oui. Bah, c'est un parc c'est à la caméra, base. Hein. En fait. Oui, c'est un parc, donc. Ouais. En fait, j'ai bien aimé l'ambiance. Limite, le plus gros reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve qu'il y a certains rebondissements qui sont amenés de manière un peu trop spectaculaires et qui ont un côté bah pour moi le premier un c'était un peu putassier à cause de ça. Ouais, le premier c'était vraiment un peu trop facile. C'est de ouais, c'est alors, plus... ça aurait été mieux amené, ça aurait été amené en... avec moins d'effets, ça serait mieux passé je pense. Mais non, voilà, mais... c'est loin d'être désagréable. Alors si sinon, vous avez y a un envie truc... d'un petit thriller un peu horrifique, ouais, à la Jigsaw, voilà. Il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que je me disais mais ça c'est complètement con sur un détail, c'était désamorcé deux pages après. Vous avez une explication, oui. Un truc qui faisait que ça restait cohérent. C'est... Mais ça m'est arrivé plus 5 ou 6 fois ça de mais ça c'est ah ben non, ça va, tout va bien. Ouais, non, mais le scénario est pas con. Je sens qu'il y a eu plusieurs relectures ou des fois des intentions de essayer de brouiller les pistes sur un détail sur lequel tu vas te concentrer et puis d'un seul coup te le désamorcer tout de suite en disant non, mais ça c'est de la merde, t'inquiète pas, on avance. Donc j'ai bien aimé. Ouais, c'est l'acteur sympa, bon, je suivrai pas parce que c'est pas ce que je recherche, mais. Mais pour les gens qui recherchent ça, tu vois. Ouais, ceux qui aiment ça, ouais, clairement, je pense qu'ils. Donc clairement, vous recommandez. Hein, ils repassent un bon moment, quoi. Bon, avec une préférence quand même pour jusqu'à ce que nos opos... Oui, clairement, oui, je préfère recommander l'autre, ouais. Plus intéressant. Bah donc, encore un urbex qui se passe mal. Hein. Il est con, lui. Bon, et laissons Bird Cage Castle. Ça se passe moins Castle. Mal qu'un urbex dans la forêt des suicidés au Japon. Hein. Ouais. Il peut pas s'empêcher, quoi. Peut pas s'empêcher. Et... D'ailleurs, t'as j'aime juste bien YouTube. D'ailleurs, t'as juste été démonétisé, c'est ça? Oh bah moi j'ai été démonétisé. Moi c'est moi qui dois payer YouTube à chaque fois que quelqu'un regarde mes vidéos. Mais c'est même pas que t'as été démonétisé, c'est que t'as jamais été monétisé. Ah merde. Ouais, c'est encore pire. Il a fait ça gratuit. Travaille pour la gloire. Bon, on a terminé avec Bird Cage Castle. Oui. Ouais. Eh bien, nous allons passer au secret de l'ange, édité par Akata et lu par Issam, Alex et moi-même. Ah, on fait sur le résumé, hein, parce qu'on sait que t'as beaucoup aimé. Toi-même. Mmh. Parce qu'il y a une pub de game dedans, c'est pour ça. Vas-y, Issam, on te laisse faire le résumé du secret de l'ange. Le secret de l'ange. Ça n'a pas du tout été tué plein de fois. C'est un manga. T'as oublié ta veste. Et prends ta veste, tu vas avoir froid. Cette je m'en fous, je me réenregistrerai tout seul. Ah, ce montage, ce podcast n'est pas du tout monté. Donc, Le secret de l'ange de Shiki Kawabata, c'est l'histoire. J'ai l'impression de déjà vu là quand même. T'as pas l'impression de te répéter. Oui, j'ai déjà entendu ça. T'as pas l'impression de te répéter, tu te foutrais pas un peu. C'est l'histoire d'Asahi, jeune fille qui, quand elle était enfant, fréquentait les cours de dessin d'un club de son école. Et à l'époque, elle était devenue amie avec un de ses camarades un peu asocial qui fréquentait le même club, un peu introverti. Et plutôt, oui. Et le truc, c'est qu'un jour, ce gamin, alors qu'il adorait ses cours de dessin, alors qu'il adorait sa prof, il a tué cette prof-là et il a disparu après ça. Et elle a jamais compris ce qui s'était passé ce jour-là, c'est toujours resté un traumatisme pour elle, et elle est toujours persuadée que c'est pas possible qu'il ait commis ce crime. Qu'il ait commis ça, ouais. D'où l'ange du titre étant le gamin, hein, en question. C'est ça. Et plusieurs années plus tard, alors qu'elle est lycéenne, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ouais, voilà. Elle croise Itsuki, qui est le petit frère de son ancienne professeure, et qui, lui, depuis toutes ces années, en fait, recherche le gamin, l'ange, pour se venger. Et pour, enfin, d'après ce qu'il lui dit, surtout pour comprendre pourquoi il a fait ça, et si vraiment c'est lui qui a fait ça. Et donc ils vont commencer à enquêter ensemble sur ce meurtre-là. Et évidemment, il va y avoir aussi une petite histoire d'amour qui va se créer entre deux. Oui. Qui est assez pas, rapidement. Ouais, mais qui est pas primordial, si... mais... On sait pas vraiment si c'est sincère aussi, voilà. Quoi, de base. On sait pas si c'est sincère ou si c'est de la manipulation venant de lui, quoi. Oui, venant de lui, oui, mais venant d'elle, on sait que c'est oui. Sincère. Ah oui, oui. Alors on tombe assez rapidement amoureuse, pas. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, il y a une ambiance qui est à la fois assez douce et un peu poétique, et en même temps, bah, assez thriller, vu le résumé. C'est... c'est super bien traité. Je crois que t'allais dire c'est super bien chanté. C'est pas pire que l'original. C'est très beau. Quoi ? Bref, voilà, grosse recommandation. T'as dit quoi ? J'ai dit que c'était pas pire que l'original. Ouais. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. Il aime pas Jurassic Park. Il aime pas le Michael Jackson. Il aime pas Michael Jackson. Oh, putain. Il aime pas les Animaniacs. Ah, par contre, Hitler, ça oui. Ça, ah ça bah, t'aime, oui. Ça. Hein. Ça oui. Ça t'aime, hein. Bah, mais ça oui, ça. Alors que tu crois que devant toi, s'il y avait Michael ou Hitler, qui c'est qui t'aimerait le plus à ton avis ? Michael, est-ce qu'il a redressé l'Allemagne dans les années 30 ? Putain, oh, le petit con. Alors, il a redressé plein de trucs. Mais pas l'Allemagne, c'est vrai. Ah, merde. Et Hitler a jamais touché à des enfants. Ça, on sait pas. Ah, on jusqu'à pas. Preuve du contraire, on ne sait pas. Ça, on sait on pas. Ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Michael, on ne sait pas. Ah ah mmh. Ah, bah, monsieur défend Polanski, mais par contre. Ah, je défends pas. Ah, c'est vrai que Polanski, lui, il a le droit au doute, mais. Je dis que non. Il n'a pas le droit au doute, Polanski. Il a été jugé, il a avoué de toute façon. Je dis pas l'inverse. Donc tu lui pardonnes, c'est ça que t'es en train de dire. Oh, tu pardonné, hein. Ah là là. Il vient d'avouer devant tous nos auditeurs, devant la France entière. La France entière, c'est la France entière t'écoute. Il n'aime pas Michael Jackson. Putain. Est-ce qu'il faudrait pas le virer ? Michael Jackson, c'est le gars qui avait composé les musiques de Sonic. C'est ça. C'est bientôt la fin de la saison. Oublie pas, très souvent dans les séries télé, fin de saison égale mort de personnage. Ouais, attention à toi, Issam. Donc on va procéder par un vote du public pour ça. J'aime pas les séries télé, donc. Voilà, voilà, il en rajoute une couche. Voilà. Non, je plaisante, il y a plein de bonnes séries. Cet homme mérite la mort. Bon, reprends ce que tu disais sur Le Secret de l'Ange. Non, bon, j'avais à peu près. Alors, voilà, j'attendais vos avis, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très bien, alors c'est une série terminée en 4 tomes, on l'a pas précisé. Ouais. L'auteur avait déjà fait, également édité par Akata, Rouge Eclipse, qui était très bien aussi. Qui elle était une série en 3 tomes par contre. Ouais, j'aimerais bien la lire ça. Il y a beau. On retrouve certaines thématiques. De Rouge Eclipse dans Le Secret de l'Ange. Souvent, on retrouve des thématiques sociales. On vous emmerde ? Non, ça va. Anatomie. Mais il y a toujours des problèmes d'anatomie avec lui. Bah oui. Hein. Non, je disais juste que le cou, il a la taille de sa tête. D'accord. Non, mais tu peux reprendre, hein, je crois. Putain, c'est compliqué de reprendre après ça. Visuellement, c'est plutôt propre. C'est pas beau. Transcendant. Ah, moi, tu vois, je trouve ça. C'est pas moche, hein. Enfin, il y a des pages qui sont vraiment très claires. C'est vachement beau quand on est. Quand on est chez le mec, là, dans sa serre. Ouais, oui, voilà. La botanique autour. Bah, et puis même oui, les pages comme ça, quoi. Même dans l'atelier de peinture aussi de la prof. C'est quand même vachement lyrique, quoi. C'est... Oui, mais je dis pas le contraire. Bah, c'est quand même plus que classique, quoi, ce que t'étais en train de dire. C'est quand même vachement beau, quoi. C'est beau. J'irais pas jusqu'à vachement beau. Il y a quand même c'est dur. C'est-à-dire que dans les trucs qu'on lit, il y a quand même des trucs qui sont des fois tellement poussés que donc les critères sont revus à la hausse. Par exemple, par rapport aux peintures d'Hitler, hein, tu classes ça où ? Mon Dieu. C'est bien, on la ressort une fois tous les 3 podcasts, celle-là. Ah non, une fois tous les podcasts. En fait, une fois toutes les trois critiques. Ouais. Un jour, on va avoir une amende. Une fois tous les jours, hein, il m'appelle pour me parler d'Hitler. Dans notre vie, il m'appelle. Voilà. Et puis tous les moments où on prend notre bain. Des fois, je lui envoie des SMS avec marqué juste Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Je vous raconte pas ce qu'il m'a offert et que je dois encore voir. Hein. Ah oui. Non, je vous le dis pas. Toi, tu le dis pas non plus. Voilà. Non, je le dis pas. Ça sera une recommandation. T'as fait installer des rideaux chez toi, c'est bon. Voir le regarder tranquille. Ah ouais, ça va être délicat. Et puis mettre un casque. Hein. Ça sera une recommandation de. Mets-le en VO. De la guerre des claps. Alex, on t'a pas beaucoup entendu sur Le Secret de l'Ange. Non, j'ai le même avis que vous deux. Globalement, l'histoire m'a bien plu. Bon, c'est assez classique, mais c'est efficace. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très beau, quoi, pour le coup. Même classique, ça m'a beaucoup plu. Classique niveau histoire, tu veux dire ? Ouais. Bon, la protagoniste, je la trouve super attachante. J'avais peur au début qu'elle soit un peu cucu. Un peu du nuche, ouais. Ouais, au final, ça va. Non, là, elle a un vrai caractère. Bon, par moment, t'as l'impression qu'elle va vite déraper, mais ça va. Donc, ouais, une belle surprise. Ouais. Un petit vent de fraîcheur. Oui. Toi, vu que t'avais pas lu Rouge Eclipse, c'est vrai que tu savais pas trop. Non, je connaissais pas du tout. Enfin, c'est vrai que surtout pour du shoujo, ça change des codes classiques qu'on a en France où ils nous sortent que du shoujo. Que... Alors pour le coup, je pense pas que ça soit du shoujo vraiment. Oui, oui, c'est de moins en moins. Énormément de shoujo. Oui, je suis d'accord, mais. Et puis je pense pas que ça soit du shoujo à proprement en parler, même au Japon, je veux dire. Bah, je sais pas trop parce que. On analyse plutôt du josei, vu les thèmes. Ouais, je sais, je connais pas. Vu qu'on fait pas la séparation en France. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, c'est pas du shoujo. Je sais, je connais pas du tout. C'est le seinen pour femmes. D'accord, ok. Shonen. Shonen Shoujo que... et Josei. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a quand même. Le Seinen pour femme, c'est pas le yaoi. Oh putain. Il y a quand même beaucoup de Shoujo qui intègrent. Tu m'agaces Aujourd'hui, tu m'agaces. Il y a quand même beaucoup de Shoujo qui intègrent autre chose que la relation amoureuse entre deux protagonistes, quoi. Donc, je sais pas si. Dès que ça sort enfin, après, des codes classiques qu'on a en France, justement, on va dire direct que c'est un Josei. Après, comme d'hab, tout dépend du magazine de prépublication de ouais. là-bas, donc on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, ouais. Bon, après, la classification, voilà, quoi. C'est niveau oui, mélange d'une ambiance poétique et de quelque chose d'un peu plus mystérieux, d'un peu plus sombre. Ça, plus sombre, ça m'a fait penser à aussi chez Akata d'ailleurs Good Morning Little Maria ouais. Rose. Mmh. Qui est super. Qui est super aussi. Et ouais. Qui va bientôt finir. Encore deux tomes, ouais, puisque le prochain c'est le cinquième, c'est en six. Moi j'ai toujours pas fait. Fini en octobre, je crois. Normalement, ouais. Donc c'est passé en bimensuel ou trimensuel. Trimensuel, on dit trimestriel plutôt. Ah oui, plutôt trimestriel. Trimensuel. Parce que trimensuel, ça sous-entendrait qu'il y en a 3 qui sortent par mois, justement. Ce qui serait un peu problématique pour un éditeur, je pense. Ce serait bien. On aurait pu dire trimenstruel. Hein. Oh putain. Ah ouais, non mais fallait là. Je salue l'audace. Dieu, mon Dieu. Moi je ne salue rien. Moi. La finesse. moi je salue pas. Moi. Putain. Je pense mais vraiment... ouais, ils ont délayé le. Je pense vraiment qu'une présence féminine dans ce podcast aiderait beaucoup à la tenue de ces 3 jeunes gens. En parlant de bimensuel, on a bientôt Kingdom qui va arriver, j'ai tellement hâte. Putain, bientôt septembre, ça va, t'as encore un petit peu de marge. Oui, bon. Alors, sauf si tu vas à la Japan Expo comme un gros traître pour les acheter là-bas. Non, c'est voilà. Pas prévu. Voilà. Mais par contre, je trouve ça vraiment, vraiment pune de faire un tel décalage entre la sortie de Japan et la sortie. Tu veux dire 2 mois de décart Ouais, ça commence à faire un beaucoup. Bah après. Enfin, c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers. Je sais bien. Après, au moins, ils l'ont annoncé. Oui. Et les éditeurs qui le font pas. Et les éditeurs, c'est même pire. Hein. Les éditeurs, ils suivent même pas. Ils annoncent même pas qu'ils ont arrêté. Il y a des éditeurs, Glénat, qui, il y a 2 ans, te sortent un truc d'Akira Toriyama. C'était lequel? C'était... Les histoires? Non, le one-shot sur le... c'était Jaco. Jaco. Qui devait sortir en juillet pour tout le monde, Japan et Librairie, et ils ont dit « Ah bah on a un problème d'impression, on n'a pas pu imprimer tout le stock qu'il fallait. » Bah c'est pas grave, ceux qu'on a imprimés, on va les vendre sur la Japan, et puis vous les libraires allez vous faire enculer. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci, j'aime. Voilà. Ça s'appelle être une pute. Voilà. Ah donc ok. Donc Pika les enculés, et Glénat les putes, voilà. Mmh. Bah c'est selon quoi, c'est selon les moments de... Ça c'est fait. C'est selon les moments de leur parcours et de leur année quoi. On peut pas taper toujours que sur Pika et Panini. Non, c'est sûr. Il faut taper sur les autres aussi. Mais Akata, par contre, on vous aime. Envoyez-nous vos livres. Quoi? J'ai le droit d'être vénal, non? Oh bah écoute, t'as le droit d'être ce que tu veux, mon ami. Je regarde beaucoup d'une, cependant. C'est pour ça que je commence à... Oh mon Dieu. Ça commence à dépeindre. Bon, moi, je le sors. Je n'existe pas, voilà. Je vais arrêter ce podcast. Je ne suis pas responsable. Passons à la suite. À la suite avec Brother Auto Spot, lu par les mêmes gens qui viennent de vous parler, du secret de l'ange, à savoir Issam, Alex et moi. Ah, tu l'as lu aussi? Je l'ai lu aussi, c'est très très bien. On va suivre en fait le quotidien d'un tatoueur professionnel qui s'appelle Seina, qui va recevoir un jour la visite de... Jean dans son salon et ils vont avoir un. Enfin, lui va avoir d'abord un coup de foudre pour ce client qui ensuite lui aussi va développer un peu des sentiments. C'est vrai qu'il a bien envie d'enfiler un jean. Réciproque, voilà. Ouais. Hey, là, les films. Ça passe. On va dire qu'elle est mignonne, même si elle est un peu grossière. Oh putain. Non, une blague n'est jamais mignonne. Alors là, elle est ratée. Alors là, Issam, permets-moi de. Ouais, alors j'avoue, allez, j'ai même pas pensé quoi. Tu peux reprendre, c'est bon. Et du coup, bah, les deux garçons vont se rapprocher au fur et à mesure du temps et on va découvrir un peu le passé de Seina, ce tatoueur professionnel qui a quelques soucis avec son frère, qui se révèle être en fait le meilleur ami de Jean, comme par hasard. Oh. C'est ça. Donc vous l'aurez compris, c'est un yaoi. Oui. Édité par Taifu. En one shot. C'est très très bien. C'est très très bien, très frais. Ouais. Alors j'ai feuilleté là vite fait et effectivement j'ai trouvé ça plutôt cool et pas. C'est pas du tout provocateur. C'est hein. pas voyeuriste, c'est pas provocateur. C'est même pas du tout cul en plus. Ouais, c'est ça, je trouve même dommage. Il y a une d'avoir scène classé... d'amour à la fin. C'est ça. Parce que pour moi, quand on classe en yaoi, ça implique attention, il va y avoir des scènes de cul et bah non, ça parce que permet là, c'est... un peu d'avertir. Non, mais non, là c'est yaoi blue ou blue yaoi, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Donc c'est la catégorie justement tout public. J'ai pas de. Y'a pas d'indication sur la tranche ? Non, il y a marqué yaoi taifu. Mais c'est... D'accord, il me semblait. En fait, voilà, c'est... En fait, le terme yaoi pour moi implique le côté pas tout public parce que va y avoir des scènes érotiques alors que là, bah, pas du tout. Et c'est après, un c'est... peu dommage. Bah, je pense qu'ils ont mis yaoi parce que c'est histoire de deux garçons, c'est tout. Après. Certes, mais bon. Après, t'as ça, t'as cette signification-là en tête parce que malheureusement pendant des années on s'est tapé que ça. Mm. Tu vois ? Ouais. C'est comme les gens qui pensent que le shoujo c'est comme des, que des histoires d'amour. Parce que pendant des années on s'est tapé que ça. Mm. Donc je pense que ton souci vient de là en fait. Parce ah oui, que... non, mais peut-être. Voilà, à mon avis c'est mais, ça. Mais pour le coup ça pourrait être intéressant justement d'avoir, de garder le terme yaoi pour quand il y a de l'érotisme, pas pour avertir que c'est un truc d'homosexuel, mais juste pour avertir que c'est pas tout public parce que va y avoir des scènes explicites. Ouais. C'est... pas forcément homosexuel. C'est... oui, enfin ça, yaoi c'est homosexuel normalement. Bah, il peut être un... il peut être bisexuel par exemple. Oui aussi. Oui, ben, oui effectivement. Enfin... mais là ouais c'est, voilà, c'est la seule scène un peu de cul est très très soft et ouais, très très, très légère ouais. Bah, elle est passionnelle quoi, c'est juste les deux qui font l'amour quoi. C'est ça le reste du le reste de l'histoire se focus vraiment plus sur la montée des sentiments entre les deux personnages qui est super rigolote parce que Saina du coup a une équipe de d'assistants qui sont des bras cassés qui sont des gros bras cassés et coup, mais qui sont très drôles, c'est l'atout humoristique de l'histoire et c'est, ça marche bien quoi. Donc c'est une autrice hein. Sinon comme très souvent avec les d'accord ah, parce que c'est, ah oui mais fait... j'ai pas dit l'autrice du coup qui s'appelle pardon Noisy Mikuro ouais. Et qui est née le 6 juillet mais sinon j'ai regardé parce qu'il y a on lui souhaite trois son anniversaire une petite faute en fait qui tu sais je suis tout ému où il y a c'est au masculin et quand t'arrives sur la fin c'est je veux devenir tatoueuse et tout machin ah, où là tu dis ah bah oui non c'est une femme C'est plutôt beau visuellement. C'est sympa. Alors, c'est un peu vide. Bon. Voilà, c'est ça. C'est beau, mais c'est quand même un peu vide au niveau du décor. Hein. Mais au niveau des. L'anatomie, par exemple, des personnages, il y a un côté très photographique. J'adore comment on revient toujours à l'anatomie avec lui. Bah, c'est important, je veux dire. Par contre, on n'a pas eu droit à des cours d'anatomie sur Dino Sapiens. Non, il n'y en a pas à prendre. Ça n'existe pas, l'anatomie de Dino Sapiens. Bah, tu l'avais coupé au montage, mais tout le cours d'anatomie sur la gamine de No Game No Life... Ah ouais, je l'avais coupé au montage parce que c'était problématique. C'est dommage parce que je parlais bien des plis de la culotte qui épousait le... Mon dieu. Non mais voilà, Brother Autospot... Pas s'empêcher. Grosse recou pour moi, c'est ouais dans le côté évolution de la relation plutôt traité finement, ça m'a rappelé un peu un truc qu'on avait lu, je crois que c'était au deuxième numéro, Pornographeur. Ouais. Alors qui était plus cru au niveau des scènes de sexe. Bah, il y en avait plus. Mais c'était à cause du caractère du personnage aussi qui était plus rentre dedans. Bah, et puis dans Pornographeur, jusqu'à la toute fin, toutes les scènes de sexe c'était des fantasmes. Donc il y avait pareil la même évolution de la relation, c'était pas du cul dès le début et du cul juste gratuit. Au contraire de certains autres qu'on a lu. C'est ça. Mais oui, après, Pornographeur, je pense que pour apprécier, il faut quand même avoir un petit passif yaoi quand même sur Pornographeur, alors que là c'est plus abordable, Brother Autospot. C'est pas loin d'être mon premier yaoi, hein, Pornographeur. Ouais, mais je sais pas, je trouve que Brother Autospot est quand même plus abordable. Oui, je pense qu'il faut quoi comme passif pour. Non, mais passif, c'est un bien grand mot. Genre être habitué, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, au moins, ouais. Bon, ouais. Après, passif, c'est un grand mot. Hein. Oui, mais bon. Tu m'as compris. Ouais, en avoir lu 2-3, quoi, histoire de... Mais Brother Autospot... Là, ça peut être la première lecture. En fait, pour moi, c'est une romance, quoi. Oui, voilà. C'est une romance homosexuelle, mais c'est une romance. Ah, il y a Dieu qui est pas content, là. Non, c'est il sort des poubelles. C'est Dieu, il aime pas les... Les romances, comme ça. Alors, si on commence à s'attaquer à leur religion, messieurs, on va avoir des soucis. Hein. Parce que moi, je veux bien. Mais... On va être classifié très vite. De toute façon, c'est pas nouveau. Il a regardé le 3, c'est pour ça. C'est quoi cette merde ? Donc voilà, grosse reco sur celui-là. Oui, carrément. Petit coup de cœur. Oui, moi aussi, c'est la meilleure lecture du mois. Ouais. Alors que je m'attendais à rien, en plus, en le commençant, parce que je me disais un truc de tatouage, ça va me faire chier. Mais non. Alors qu'en plus, Par contre, le côté tatouage est très peu abordé au final. Bah, il est abordé dans la mesure où c'est ça qui va marquer oui, voilà, c'est tout, leur découverte mutuelle. C'est juste le background. Ouais. C'est ça. On en a fini avec Brother Autospot. Ya. Moi ? Ya. Ya. Non. Ya. Eh bien, nous allons conclure, enfin, avant de passer à la reco d'Alex, nous allons conclure cette émission avec A Romantic Love Story, édité par Akata, que nous avons tous lu autour de la table et qu'il me semble nous avons tous plutôt apprécié, même grandement apprécié, si je me trompe pas. Oui. Ouais, je peux les... Alors, A Romantic Love Story, donc d'Haruka Ono, aux éditions Akata, c'est l'histoire d'une, d'une jeune femme qui fait des mangas, qui est autrice de mangas. Une mangaka. Voilà. Qui se retrouve à avoir sa direction, en gros, qui lui impose de faire du shonen harem. Et... Elle lui impose le vina. Et gros. Le truc, c'est que... ouais. Et le truc, c'est que ça cartonne du feu de Dieu, sauf que, en fait, ce qu'elle expose, c'est des trucs qu'elle ne vit pas elle-même. C'est-à-dire qu'elle est complètement aromantique. Et donc, elle comprend même pas pourquoi ce qu'elle écrit fonctionne. Mais pourquoi les personnages sont attachants pour d'autres alors qu'en fait, elle, elle s'en fout, quoi. C'est un truc, cinquième cours du carrosse. Et elle va se retrouver à un moment en, en porte-à-faux par rapport au sentiment d'une des personnes qui travaille pour elle. Qu'elle ne partage pas comme sentiment parce que justement, elle ne les vit pas. Elle a un, juste, un de ses assistants. Elle a juste un moment de panique. Plus jeune que lui. Ouais. D'une dizaine d'années. Calme, ouais. Et ben moi j'ai trouvé ça très sympa, très, très bien écrit, très bien développé. Pas de lourdeur, ça se lit d'une traite. C'est joli. C'est très joli. Est-ce que t'as parlé du troisième protagoniste ? J'ai pas fait attention. Non, c'est mon premier. Non, j'en ai pas parlé du troisième. Le troisième arrive quand même. Bah parce que du coup on peut dire qu'elle se retrouve dans une situation qu'elle ne va pas du tout comprendre dû au fait qu'elle est aromantique. Bah, un triangle amoureux qu'on peut dire. Ouais, c'est un triangle amoureux, un triangle amoureux, mais où il y aurait un des angles du triangle qui serait complètement neutre. Voilà, qui serait en mode, mais non, je m'en fous. Et surtout que ça mélange plein de trucs, parce que du coup, il y a la différence d'âge, le fait que chacun exprime ses sentiments d'une manière différente. Le fait que l'un, parce que le second protagoniste est au courant qu'elle est un peu aromantique. Oui. Le premier, le sait pas. Il y en a un qui est un peu plus forceur que l'autre. Voilà, donc l'autre, il est vraiment forceur. Ouais. Et du coup, c'est ça qui, effectivement, lui met un malaise. C'est-à-dire que là où elle pourrait se dire « Ah, mais j'aurais pas pensé et tout, j'étais pas préparé, mais ça peut être super cool. » Elle, elle est en mode « Mais non, mais je m'en fous, mais je suis pas préparé, j'ai jamais pensé. » C'est important, cette différence, parce que du coup, l'autre, le second, ça sent que c'est quand même un connard. Parce que l'autre, il veut pas faire de mal, quoi. Enfin, il connaît pas sa situation, il pense pas à mal. Bah, et puis il insiste pas plus que ça, d'ailleurs. En plus, il lui dit juste. Une fois, et après, voilà. Il revient pas dessus. D'ailleurs, son assistant, dans ses réactions à elle. Il lui dit juste, je vous aime, et puis voilà, c'est tout, basta. Ça soit dans ses réactions à elle, où elle met direct un stop à l'autre. Enfin, pas directement, mais elle a plus tendance à mettre un stop à l'un, et à l'autre, elle est un peu plus gênée, quoi. Ouais. Et alors, ce qui est super, c'est que justement, son assistant est fan de ce qu'elle fait, et du coup, bah oui, il pouvait pas s'imaginer, vu ce qu'elle fait, qu'elle était comme ça. Oui, alors qu'elle est persuadée justement que l'assistant, c'est un mec très froid, un psychopathe. Bah, elle l'appelle The Killer. The ouais, killer. C'est ça. Chaque fois qu'elle le voit, c'est... Bon, alors lui, il fait froid dans le dos. Il est très introverti, enfin, voilà. Il est très renfermé sur lui-même. D'ailleurs, elle panique. Et puis, il est très carré, surtout. Oui, c'est ça. C'est genre, tous les matins, il arrive pile poil 15 minutes avant le début du boulot, toujours à la même heure. Il est tellement refermé sur lui-même et avec ses sweats à capuche que tous les 3 mois, il se fait contrôler par les flics. Ouais. Et puis surtout, quand elle se retrouve seule avec lui, elle est en panique. Hein. Oui, il va me tuer. Elle sait pas quoi dire. Il y a un gros silence pesant, quoi. Alors que avec les autres assistants, on voit que tout le monde s'entend bien, que tout se passe bien, voilà. Oui, parce qu'on nous parle du fait qu'il soit plus à l'aise que lui. Au bout d'un moment, quand tu parles de ce que tu fais aux toilettes, voilà, c'est ça. C'est que t'es à l'aise avec les gens, quoi. Ça nous a parlé de caca. Voilà. Donc oui, en un premier tome, les personnages sont super bien développés, l'intrigue avance bien, voilà, le dessin est très propre, c'est vraiment l'une des meilleures lectures du mois, ce qui me concerne. Ce qui est cool dans le traitement du personnage principal, c'est qu'à chaque fois qu'elle parle d'amour, que ce soit justement de sa relation avec son assistant et ce troisième protagoniste, ou qu'elle parle même plus largement d'amour avec ses deux potes, là, en fait, on sent que c'est très théorique, ce qu'elle raconte. Oui. Mais justement, c'est juste théorique. Elle a aucune. Elle se base sur, sur son. C'est ça. Sur les œuvres qu'elle a connues, voilà. Ouais. Et oui, elle a aucune notion qu'elle a lu. Elle a. Il y a aucune application pratique de ce qu'elle peut raconter. Il faut aussi préciser que le personnage principal du manga est très ouvert d'esprit. C'est-à-dire que dans son manga, elle introduit des personnages travestis. Dans son entourage, il y a une de ses amies qui est bisexuelle. Voilà. L'autre, elle vit dans un cocon très qui permet une ouverture d'esprit quoi. Ouais. Le personnage est très attachant pour ça aussi. Bah, et puis surtout, on voit qu'elle défend ça auprès de ses responsables éditoriaux et éditeurs. Elle lui impose des trucs. Par exemple, avec son ami, c'est même pas insisté dessus. Le thème, c'est juste on apprend au détour d'un dialogue que ça, son ami est bisexuel. Et puis c'est pas ramené. En fait, elle est ouverte d'esprit dans la mesure où elle s'en fout. C'est normal quoi pour elle. Big up au chara design aussi, qui est vraiment cool. C'est-à-dire que on s'attache tout de suite au personnage, dès les premières pages. Et le chara design joue beaucoup aussi là-dessus, parce que je veux dire, le personnage principal, je le trouve vraiment bien. C'est-à-dire, c'est pas trop. Elle est toute mimi quoi. Voilà. On aurait envie de l'avoir. Killer. Mais on aurait envie de l'avoir en ami. C'est peut-être génial. Après, elle est mignonne, mais pour autant, c'est pas dans le cliché de la fille faible qui rougit tout le temps. Oui, non, justement, c'est ce que je disais. Le chara design joue beaucoup justement à servir l'histoire. Elle est mignonne parce que elle a ses convictions. Elle fait tout pour garder, tu sais, pour rester droit dans ses bottes. Elle est cool. Et puis c'est pas un truc où d'un seul coup elle va théoriser des pourcentages et trucs comme ça. Non, c'est juste. Elle a des flux de pensée qui sont normaux. C'est ça, c'est vraiment un vrai personnage de femme forte, au premier sens du terme. Vraiment. Avec les premières pages, je suis en Egima, là. Ah oui, oui, parce que les premières pages du manga, du coup, c'est le manga du personnage. Oui, ça commence par le manga, du coup. En fait, c'est une autre histoire d'un coup. En fait, c'est la bande-annonce de l'anime qui va être fait. Quoi. Et donc, elle regarde la bande-annonce en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et oui, il y a un personnage de travesti dans son manga, elle a réussi à faire passer ça. Oui, oui. Et justement, c'est et ce que l'un de ses responsables éditoriales veut introduire, une histoire d'amour entre elle et voilà. Ouais. Et on a l'impression que c'est le seul personnage auquel elle tient vraiment dans le temps. Par contre, le gars, celui qui est le héros, elle s'en fout, quoi. Complètement. Mmh. elle le déteste, quoi. Elle le déteste, oui. C'est son Sasuke. Je sais pas quoi en faire, mais tout le monde l'aime. Merde. Hein. C'est le personnage préféré du killer. C'est la mise en page est assez classique, mais mais je sais pas, je trouve ça efficace. La simplicité, ça a du bon. C'est quoi, ça. Hein. Là, c'est vraiment. C'est court ou pas? C'est encore en cours, il me semble, mais à mon avis, ça ne durera pas éternellement. Oui, c'est vrai qu'un triangle comme ça, enfin ça. Après, ce serait faire durer trop, quoi. Si jamais ils partent sur une quinzaine de tomes, par exemple, là, non, c'est bon. Oui. Puis c'est pas le genre d'Akata d'avoir des longues séries. Ouais. Tu vois, à mon avis, ils ont dû quand même se renseigner un peu auprès de l'autrice pour savoir si ça allait durer longtemps ou quoi. En tout cas, bon boulot. Et ayant connu des personnages romantiques, ça a fait plaisir de voir ça traité de façon correcte. C'est quoi leur plus longue série à Akata? Prisonnier Riku. Ouais, combien? Là, on a dépassé les 20 tomes et au Japon, c'est terminé entre 30 et 35, je sais plus exactement. D'accord. C'est leur plus longue série. Prisonnier Riku. Ouais. C'est cool, Prisonnier Riku. De ce que j'ai compris, Prisonnier Riku, c'est pas une série qui se vend beaucoup, mais les lecteurs sont fidèles. Ouais. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de séries d'Akata. Ça reste constant, quoi. Enfin, voilà. Celui-là, on peut le recommander. Donc, moi, je le recommande. Grosse recommandation pour un romantique love story. Et sinon, je pense qu'on va passer à la recommandation, justement. D'Alex, parce que je ne trouve pas l'information sur le nombre de tomes de un romantique love story. C'est 5 tomes. 6 tomes terminés. Ah, voilà. Alors, tristesse, le second tome ne sortira que fin août. Ah, zut. Mais bon, voilà, on reste dans nos prédictions. Tout va bien. Alex, de quoi vas-tu nous parler pour ta recommandation? Je veux mon jingle. Le recommandation d'Alex. Non, moi je veux comme un hamster machin. Ah, Alex. Le peur du capitaine toujours dans nos cœurs. alors que le temps tourne à l'apocalypse dehors. Ah oui, non, mais dehors. Necro, c'est notre LTP, c'est ça. Necro, ton corps de bête. Ah oui, c'est aussi. Les grosses bourses de Necro. Je vais rester dans le coin. Ton corps de bête. Je vais me mettre en PLS dans un coin. Ah, la peur du capitaine, c'est tellement extraordinaire. Nous t'écoutons, Alex. Oui, donc moi je voulais vous parler d'un manga d'Heroic Fantasy. Édité par Casterman. Yeah. Dans mon cœur, Casterman. Pour Area 51, déjà, oui. Ah, mais jusqu'à l'éternel. Ils ont que des bons trucs. Puis même en BD classique, en comics. Et donc je voulais vous parler de Glouton et Dragon, écrit par Ryoko Kui, qui a été commencé en 2015, je crois, en France. Ça m'a étonné hier quand j'ai regardé. Donc il y a un rythme de parution. Pourquoi ça t'a étonné? Bah parce que c'est vachement... Enfin, c'est assez long, quoi. On est au cinquième tome. Ah oui, oui, oui. Ils sortent un tome tous les 3-4 mois, ouais. Ouais, c'est vachement long, quoi. Je sais pas si ça... À mon avis, ça doit pas... Et permettez-moi que je vous lise juste la première page pour vous introduire l'univers. Donc, c'était un paisible petit village jusqu'au jour où, dans un grondement sourd, le mur d'une crypte s'effondra, laissant apparaître la silhouette d'un homme. Le vieillard se présenta comme le souverain d'un royaume doré, disparu il y a plus d'un millier d'années. Son pays jadis prospère existait toujours, mais il était tombé entre les mains d'un sorcier fou qu'il avait enfoui loin sous terre. Là, c'est le vieillard qui parle. J'offrirai toutes les richesses qui recèlent mes terres à qui anéantira ce jeteur de sorts. Ces mots prononcés, le corps du roi s'envola en fumée. Putain, le Bernard Pivot cast. La dictée. Non, mais moi je trouve ça bien, hein. C'est vachement original pour l'instant. Je crois que j'ai jamais vu ça en fantasy. Le vieux mystérieux qui va avec les gens en disant qu'il y a une quête, c'est ça. Voilà. Donc on est dans un truc assez... C'est personnel qu'il a écrit. C'est assez classique au final, c'est de l'heroic fantasy. Et on... Les écoute pas. Non, mais je les écoute pas, je continue mon truc, pas de soucis. Et on commence direct dans l'action en fait, puisqu'on suit un groupe d'aventuriers justement qui sont dans cette crypte, qui se retrouve face à un dragon et qui va les latter, mais d'une force extraordinaire, puisqu'ils vont tous crever. Tous. Même la petite sœur en fait du héros principal. Et ça, c'est que 3 pages. Qui va se faire bouffer. Va se faire bouffer toute crue et voilà. Évidemment, dans ces univers-là, on sait qu'à la fin, les aventuriers ils ne sont pas vraiment morts puisqu'ils peuvent être ressuscités. Le problème, c'est que cette petite sœur qui s'est fait bouffer, elle peut pas se faire ressusciter, bah parce qu'on n'a pas retrouvé le cadavre. Il est dans le ventre du dragon. Ouais. Oh, il suffit d'attendre quelques heures. Et donc... Je suis assez d'accord. Tu veux fouiller dans le... La petite sœur sentira le caca, mais dans le gros caca. Non, voilà. Et du coup, bah, voilà. L'histoire, ça va être ce héros principal qui va partir à la recherche du dragon pour récupérer le cadavre de sa petite sœur. Et donc il va monter une nouvelle expédition, sauf que ses compères du début avec qui il s'est fighté sur le dragon, eux ils en ont marre quoi, ils veulent plus. Donc à la base, ils sont morts, hein, c'est compréhensible. Moi aussi, j'en aurais marre. Oui, non mais je veux dire, ils ont été ressuscités, ils peuvent repartir à la bataille quoi. À la base, ils bossent pour ça quoi. C'est le donjon, c'est la vie de beaucoup d'aventuriers qui retournent quoi, c'est tout. Baston. Voilà. Donc en fait, lui, bah, il va se retrouver un peu tout seul, sauf une fille, son amie d'enfance, qui va bien vouloir l'accompagner parce que elle est quand même copine avec sa petite sœur et puis elle veut pas le laisser dans la merde. C'est la petite sœur surtout qui est dans la merde. Parce que j'ai rien compris. Là, elle est déjà digérée par les sucs digestifs. Ah, complètement. Elle est en suc gastrique là. Pour le caca, on aime le caca. Elle est inexistante quoi. Mon Dieu. Il est temps que tout cela s'arrête. Et donc tous les deux ils vont partir et évidemment ils vont rentrer quelques persos en route. La particularité en fait de ce manga, c'est que ça m'a beaucoup fait penser aux jeux vidéo d'Heroic Fantasy classique où on va avoir beaucoup d'infos sur par exemple toute la nourriture qu'ils vont croiser, tout le bestiaire, on a beaucoup d'informations sur chaque créature qu'ils croisent, on a des plans, on a beaucoup de combats, donc c'est super chouette. En plus de ça, les dessins sont vraiment... Ouais. Bah, je pèse mes mots, c'est vraiment magnifique, quoi. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. On a une bonne ambiance. Aussi, ce qui est chouette, c'est que l'objectif du début, c'est de chasser ce dragon. Mais ça va pas être, sans spoiler, la finalité du manga, quoi. C'est-à-dire que très vite, on va passer à autre chose, parce qu'il y a d'autres événements qui font que... ce qui va mais permettre vraiment, c'est en fait le point de départ, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est vraiment le début d'une aventure et on va pas se limiter qu'à ça, quoi. Ah oui, quand même. Non, ça c'est, je montre une image en fait où c'est juste le pied du dragon qui est juste à côté d'un gamin qui est en mode j'ai eu chaud. C'est le petit voleur en fait. Et moi je trouve que et déjà cette image là est plus intéressante que tout le truc que Dino Sapiens. Donc ouais, le rythme de parution est super lent, mais je pense que ça en vaut le coup parce que ça, il y a vraiment une patte artistique qui est géniale, quoi. Ça m'a vraiment hyper touché. En plus de ça, on bénéficie d'une édition de Casterman qui est comme d'habitude très soignée. Superbe, quoi, tellement superbe qu'elle en est fragile en fait. Quand t'achètes dans le commerce leur manga, tu crises parce que si tu veux l'état parfait, c'est impossible, quoi. Parce que quand on est comme toi. Voilà, quand on est comme moi, à chercher la jaquette quasi intacte, c'est impossible. Ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous aimez, si vous avez grandi dans l'Heroic Fantasy, tout ce qui est Donjons et Dragons, faire des jeux de rôle avec vos potes, etc., ben. Alors, vous serez dans le bain direct. Que je n'ai pas compris à partir de ton résumé, pourquoi glouton ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la bouffe a l'air super importante. Voilà, bah oui, voilà, justement. La bouffe est méga importante, notamment parce qu'ils vont croiser ce personnage-là, le barbu, qui va être en fait un cuisinier. Et comme tu t'en doutes, dans une expédition, la bouffe est super importante, la nourriture est super importante parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. Et si t'as pas ton petit cuisinier, ton petit Sanji dans ton équipe pour cuisiner tout le bestiaire autour, tout ce que t'as à disposition dans le donjon, bon bah tu vas mourir, quoi. Ouais. Et en fait, ouais, il va y avoir beaucoup d'éléments centraux sur la bouffe. Donc c'est lui qui les buff, quoi. Ouais, donc c'est lui qui les buff et c'est ce qui va leur permettre en fait de continuer l'expédition concrètement. Sinon ils vont très vite mourir. Petite question, s'ils peuvent ressusciter, est-ce que s'ils ne trouvent pas à manger, ils peuvent se livrer au cannibalisme, tuer l'un d'entre eux, le bouffer et le ressusciter derrière? Typiquement Issam comme raisonnement. Non, parce que tu peux pas ressusciter toi-même, c'est de la magie interdite. Mais il y a un service exprès justement de fin. Du donjon, ça fait un peu start-up, ouais. Quoi, genre les mecs arrivent avec un chariot, ils mettent les cadavres et ils ressuscitent et toi tu vas chercher ton pote à la borne. C'est vrai. Ouais, je te jure. Si ils bouffent les cadavres, ils doivent chier sur le bureau. Ça veut dire qu'ils mettent la croix du dragon. C'est moi ça. Alors, on a réussi à ressusciter la petite sœur, par contre, ça va être délicat parce qu'on a ressuscité tout ce qui était collé à elle. Je suis tellement déprimé. Il y a tout le bestiaire du donjon là. Hein. C'est le caca, ça fait rigoler. Je suis tellement déprimé. Mais ouais, concrètement, tu peux pas ressusciter toi-même. C'est pour ça que je fais pas mon caca. Tu peux avoir des soigneurs, etc. parce qu'ils en croisent. Mon caca. Oh putain. Mais oui, c'est vrai que t'as raison de me le rappeler. Oui, la nourriture est vraiment, ça fait partie d'un des thèmes hyper importants du manga, quoi. C'est comme je disais, on décrit, ça donne déjà la couleur derrière le dos du manga. À chaque fois, on a des petites descriptions de ce qu'ils vont manger ou ce qu'ils ont croisé. Ouais, et puis j'ai vu, il y a plein de recettes. J'ai l'impression. Et dans chaque tome, t'as plein de recettes et c'est assez rigolo, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment du jeu de rôle, quoi, en fait. Là, dans ce que je disais, que je faisais en ce moment, c'est The Elder Scrolls Online. La bouffe, c'est un buff extrêmement important dans ce jeu-là aussi. Et justement, du coup, je m'y retrouve totalement là-dedans. Parce que justement, c'est un truc qui va te rajouter, par exemple, plus 7000 points de vie pendant 40 minutes. Et là, tu te dis, bah oui, c'est important, faut que je le cuisine, ça. Faut manger du poulet aussi, parce que le buff, au bout d'un moment, ça. Voilà. Pardon. Ok. Et c'est vrai que quand on y réfléchit dans une crypte comme ça où il n'y a pas la bouffe à portée de main, si t'as pas quelqu'un qui sait comment cuisiner ce que tu vas chasser, etc. Surtout qu'il cuisine vraiment tout et n'importe quoi. À un moment, il rencontre un groupe de crustacés en fait qui sont dans des armures. Les hommes crabes. Non, les vraiment des. Les hommes crabes. Les hommes crabes parlent comme les hommes. Ont le goût du crabe. C'est des petits crustacés en fait hyper intelligents qui sont mis dans des armures, ce qui en font des armures vivantes en fait. Et ça, ils arrivent à les cuisiner. D'accord. Ouais. Mais c'est comme les coraux, hein, ça se cuisine. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un gobelin qui était mort dans un coin, au moins depuis 2 semaines. C'est ça. Ah, ok, je vais le cuisiner. Ah. Donc ouais, c'est vraiment c'est dans, super c'est dans chouette. C'est qu'il y a plein de blagues comme ça avec le nain qui cuisine à peu près tout. C'est une série toujours en cours. Hein. Oui, bah, j'ai très hâte de lire le tome 5 qui va sortir la semaine prochaine, incessamment sous peu. Qui sort la semaine prochaine. Parce que là, dans nos contrées. Parce que là, du coup, on arrive dans une phase de l'histoire où ça devient de plus en plus sérieux et c'est super. C'est super. Toi, c'est une série qui me tentait pas du tout à première vue. Tu m'as donné un peu envie. Et voilà, tu es content. Tu as rajouté une série sur la liste. Nécro, ça peut vraiment t'accrocher au premier tome. Avec moi, non, j'ai si, toi, oui, mais. Enfin, oui, toi, on s'en mange, mais bon. Il y a des trucs qui m'ont fait sourire. Je le vois vraiment beaucoup là-dedans, quoi. D'accord. Il y a des trucs qui m'ont fait sourire, genre par exemple, les héros qui essayent d'être discrets en passant dans une ville avec le dragon qui est au milieu. Puis tu vois juste la tête du dragon qui est au-dessus des bâtiments en train de regarder. Ah, mais en fait, oui, en fait, le rythme de parution est normal, vu qu'on va avoir le tome 5 chez nous, il y en a que 6 au Japon. Oui, d'accord. Oui, c'est ce que je dis, en fait, on est vraiment collés à eux, quoi. Mais bon, c'est depuis 2015, c'est ça, tu dis. Ouais, il prend vraiment son temps. Ah, le rythme est lent, L'auteur. C'est un auteur qui a fait d'autres séries. C'est un manga original ou c'est adapté d'un. Je sais pas, ce serait pas adapté de light novel, c'est pour expliquer le rythme. Je ne sais pas. J'ai pas trop recherché, j'avoue. Ce sera indiqué, je pense, si c'était le cas. Oui, il y aurait écrit d'après l'œuvre originale 2, mais c'est pas l'un des mangas. Ça doit être un manga original. Je pense que ça doit être ce genre d'auteur qui fait plein de choses en même temps. Et... Ou alors qui se touche la nouille. Il se touche la nouille. Entre deux tomes. Il joue à Dragon Quest. Ah, Dragon Quest. Et du coup, dans Glouton et Dragon, vous trouverez de tout. Hein. Il y a de l'humour, un peu de romance, énormément d'aventures et beaucoup de sérieux. Et de la cuisine. Et beaucoup, beaucoup de cuisine. D'accord. Eh bien, merci pour cette recommandation, Glouton. Merci, Casterman. En fait, tu vas nous faire les 7 péchés capitaux. T'as fait l'allusion la dernière fois. Voilà. Maintenant, ah, j'ai pas pensé, ouais, c'est pas con. Continue ta série maintenant. C'est pas cool. Arrête, l'avarice, il va taper dans la caisse, arrête. Non, il va bien nous trouver un manga ou un comics. Il va nous faire les Picsou, tiens. Bah oui, je vais faire les Scrooge. Ouais. Macron a pas écrit un livre ? Il a pas fait de manga. Il a probablement signé des livres, mais il a pas fait de manga. Des mangas avec Macron qui apparaît dedans, ça commence à arriver. Hein. On va peut-être en bouffer bientôt. Donc, si tu veux, il y a le guide des castors juniors là-bas sur la table. Bon. Si. Bon, messieurs, on en a terminé avec cet enregistrement. Merci, Alex, pour cette recommandation. Ouais. Merci, messieurs, d'avoir été là. On va faire un petit tour de table pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve. On va commencer par Issam, vu que lui, à chaque fois, il nous raconte sa vie. Issam, où est-ce qu'on te retrouve ? Vous pouvez me retrouver sur la chaîne L'Archiviste du cinéma. On y parle de cinéma asiatique et de diverses autres choses. Le prochain épisode que je suis en train de monter a été joué en compagnie de Chris ici présent et à l'équipe technique il y avait les deux autres du podcast. Plus d'autres personnes. Bien. T'as vu, on n'a pas le droit d'être cité nous. Ça va être extraordinaire. Les deux autres. C'est machin. Avec à la caméra le merveilleux Alex. C'est Ekel et Jekyll. À la régie assistance le grandiose Nécro. Voilà. Ça va. Grandiose Nécro. Ça va, c'est correct. C'est bon, ça passe. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Twitter et dans ta librairie. D'accord. Qui se trouve ? Au 44 rue du Jard à Reims. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur le MMO. D'accord. Non, sur Twitter et aussi je passe de temps en temps à la boutique. C'est quoi ton pseudo sur Elder Scrolls Online ? Alors, c'est Necronomicore. D'accord. C'est bon. Je me suis pas emmerdé. D'accord. D'ailleurs, c'est très marrant parce que pour rentrer quelqu'un en ami ou dans une guilde ou un truc comme ça, en fait, on met un arrobas devant le pseudo. Donc, en fait. Comme sur Twitter, quoi. Vraiment. Du coup, c'est vraiment Twitter. T'es un gamer, tu as l'arrobas du gamer. D'accord. Ah, mais c'est tout le monde a l'arrobas. Oh mon dieu. Pas ce film. Mon urticaire revient. Et quant à moi, ben on vient de le dire, vous pouvez me retrouver à la librairie au Gré des Bulles, 44 rue du Jard, sur Twitch et YouTube, sur la chaîne Gamer Bizarre Aventure. C'est aussi là que vous pouvez retrouver la rediffusion de ces podcasts. Et vous pouvez aussi, tous les quatre, nous retrouver dans notre second podcast, La Guerre des Claps, un podcast consacré au cinéma et aux séries télé. Et avec beaucoup de live en ce moment avec Gazouya, c'est ça Gensuga. Gazouya. Non, je pense à Gazouya. C'est Gazouy, c'est pour ça. Non, mais c'est un autre truc en japonais. Notre ami Gensuga qui apparaîtra également dans le prochain épisode de L'Archiviste du cinéma. Est-ce que. Le monde est petit. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Bah, le monde est petit, c'est surtout Reims qui est un peu petit. Les artisans du talent. C'est Reims qui est un petit peu riz. Riz. Qui est un petit peu petit pour notre grand. Talent, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'il faut en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à souligner que notre humour est très fin. Surtout quand c'est toi qui fais des blagues. Comme ta bite. Et c'est là-dessus qu'on conclure. Putain, le réveil qui sonne. C'est pitoyable. Oh mon dieu. Merci à tous. C'est le pire depuis le début de cette saison. Et adieu. Ciao. Bye bye. Bye. Adieu.